merci d'avoir été avec nous. Les images, on va vous en mettre partout. Merci, c'était un vrai kiff d'être là. Shakira, thank you very much. Merci beaucoup. Merci à toi. See you next time, my friends. Merci beaucoup. Bonne nuit tout le monde. À Triomphe, on revient demain. Ciao. Sur Énergie. Guillaume, nous ici, on l'appelle Nénette. Okay. Nénette, arrête tes conneries tout de suite. C'est Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Allez, 22h minuit. Oh, 22h tout pile. On est en direct hein, sur Énergie, 22h chaque soir, mais vraiment du direct, hein, pile poil à la seconde. 22h et 30 secondes tout pile. Soyez les bienvenus, les copains. On se retrouve tous les soirs. On se retrouve à 22h jusqu'à minuit. J'espère que vous avez passé une bonne journée aussi. On se fait de la radio à l'ancienne, dans le noir, j'allais dire, mais quasiment il fait un peu jour encore. Mais on est au 6ème étage du studio d'Énergie, au 6ème étage du bâtiment d'Énergie, dans le tout petit studio. On prend le petit studio de secours et on s'en sert comme d'un studio principal pour nous. Pour vous expliquer un petit peu le principe, si vous connaissez l'émission, vous appelez, vous passez. Voilà, à l'ancienne, Guillaume au début du SMS et vous envoyez au 6 11 12. Voilà, Guillaume et votre texto au 6 11 12 avant de se faire soprano tout à l'heure, cordonnier. Ok. J'espère que les cours, ça s'est bien passé le boulot aussi, les gars. On s'envoie des messages. C'est moi, je lis vos textos qui restent sur l'écran devant moi. Il faut juste taper Guillaume au début et vous envoyez ça au 6-11-12. Voilà, Guillaume et le message au 6-11-12. Salut, enfin les meilleurs. Salut les gars, merci les frérots là. Salut à Jean du 24. Bonsoir à toi. C'est très important. J'aimerais bien que tu m'appelles. Bah, y a pas de souci, vous êtes mon bonheur. Bonsoir, Jessica de Doha. Dédicace à mon pauvre stagiaire qui se fait défoncer. J'aimerais bien. Ah bah alors, attends, on va t'appeler Guillaume et votre message au 6-11-12. Si vous voulez passer une petite dédicace, un petit message ou quoi, Guillaume au début du SMS, et vous l'envoyez au 6-11-12 pour faire j'en sais rien, un message, une auto-dédicace, hein, ça marche aussi. Si vous avez envie de choisir un morceau de musique, vous pouvez me le dire. Mais aussi grave, j'en sais rien. Si vous voulez écouter une musique de mariage robeux, on a fait une émission jeudi soir avec une fille de 11 ans qui s'appelle Léa, qui était avec nous dans l'émission qui est passée. C'est pour vous dire que l'émission là commence là, on sait pas comment va se terminer. Il y a Julien le stagiaire, ça c'est sûr. Ouais, hein, je suis là, salut Guillaume. Il est là, voilà, il vient d'arriver en forme. Physiquement. Voilà, je suis assis sur la chaise. T'as passé une bonne journée, ouais. Ouais, tranquille, la machine à café est gratuite aujourd'hui, donc pour moi c'est. En tant que radin, il a remarqué. Ah, j'ai arrosé tout le monde là. Ah, oui. Je peux vous dire qu'il aime pas le café, mais là t'en as bu. Même trop, je crois. Mais en plus, il me dit, t'en as bu combien? J'en ai bu 3. C'est pas, non, mais le. Hey, cappuccino vanille, cappuccino nature, même du thé. Toi, t'as un souci avec l'argent, toi. Hein. Attends, c'est gratuit, ça. Hey, mais en plus, alors, ils m'ont dit, ouais, mais il n'y a plus de café. Je dis, ouais, mais en fait, il n'est même pas allé voir à l'étage du dessus. À l'étage trop loin. Il y a tout, en fait, il y a toutes les options. Hein. Bonsoir, je fais des cadeaux. Salut Guillaume, salut tout le monde. Voilà. Et alors, ils sont deux à boire du café depuis. Ah ouais, on est excités là. Bon, on va faire une bonne émission. Ok. Ah, ouais, les cadeaux. C'est tellement gratuit qu'il en a même pris un qu'il a posé dans le couloir et qu'il va pas boire. Non, mais toi, t'as. Ah, mais c'est au cas où, j'en ai pris 4. Ouais, voilà. J'avais plus envie. Ça va, Sabrina? Ouais, ça va, tranquille. Ouais, bah ce matin, moi j'ai eu la bonne idée de. En fait, je me suis acheté une cellule cup, un truc anti-cellulite. Quoi? En fait, c'est une ventouse anti-cellulite. Ça y est, c'est le bordel. Attends, non, mais je regardais. Bonjour, elle parle de cellulite. Non, mais en fait, je regardais mes jambes, mais j'ai des bleus en fait, parce qu'en fait, c'est une ventouse et ça fait. Enfin, il y a plein de meufs qui l'achètent et en fait, il faut faire des massages. Comment ça s'appelle? La cellule cup. La cellule cup. Cellule cup, comme cellulite et cup comme une tasse. Quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, bah, je me suis fait des bleus partout c'est parce que ça fait mal en fait. Bah non, je pense que ça marche, j'en ai moins. Attends, mais tu te fais des grosses ventouses? Ouais, en fait, c'est une grosse ventouse que tu mets sur, sur ta mal, jambe. Ah, et en fait, ouais, tu fais ça, mais ça fait hyper mal. Ah non, quoi. Bah c'est vachement. J'ai un stagiaire, j'ai une ventouse. Oh, ça va. Je vais te la mettre sur la top. Sympa, essayer. Bah. Les couilles bleues. Oh, dégueulasse. Les couilles multicolores. J'ai un stagiaire sur la guéprée. Alors, c'est un. C'est chic, ça vient. Des cadeaux, ouais. Non, mais c'est juste que ta cellulite, elle est cachée par tes bleus, quoi, en fait. Bah ouais, la cellulite. Elle a de la cellulite, mais bleue. Mon train est en retard parce qu'un certain vieux stagiaire s'est fait défoncer. Pas du tout. Arrête, ça va me porter la poisse. On dirait du boulot pour attaper des barres. Et vous, salut mon Lucas, bonsoir. Enfin, les meilleurs sont là. Bonne nuit, Natim. Et JM, garde-moi un café. Bonsoir, Phil du 71. Bonsoir, JM du Standard. Salut, Guillaume, salut tout le monde. JM du Standard qui a de moins en moins de voix. D'accord. Non, mais qu'est-ce que c'est ce micro de merde? Je sais pas, c'est le micro, il rend fou. Non, mais c'est quoi ce micro? Ouais, je sais, mais moi je m'entends pas. Attends, mais tu l'as essayé ou pas? Bah oui. Non mais attends, on te l'a changé. Non, mais attends, c'est pas vrai. Vous avez interverti avec Sabrina ou non, pas? Non, non, je crois même pas. Non, sérieux? Non, non, ouais, c'est sûr. Ah ouais, bah d'accord, ok. Mais c'est parce que tu parles trop loin du micro, non? Bah, je sais pas, pourtant, je suis prêt en plus. Je ah, voilà, il faut que tu parles dans l'axe en fait. Ouais, ouais, ouais. Parce que JM Zin, ça fait que 6 ans qu'il fait ça. Il a pas encore compris dans quel sens. Bon, parle bien près. Avec plaisir, Guillaume. Salut Guillaume, l'équipe, j'aurais besoin de conseils, genre juste de rencontrer un mec. J'ai eu un coup de cœur, on s'est vu hier soir et ça s'est vraiment très bien passé. Je ne comprends pas pourquoi il décide de ne plus me répondre. Et j'ai pas la suite de ton message. Okay. Il est timide, ouais. Alors je veux bien la suite. Avec ton numéro, voilà, si vous arrivez à un truc, et ben vous venez en parler. Y en a un qui dit voilà, c'est Yvick, un dédicace à mon pote Rémi. Bonsoir Yvick et Rémi. Je m'appelle Jade, je voudrais passer Ed Sheeran. Voilà, salut, hein, je kiffe trop, dédicace à Zoé. Salut Zozo. Bisous. au collège Claude Tillier, bah, y a pas de souci aussi. Hein, vos dédicaces, les mecs, on se les cale. Hein. Guillaume et le texto aussi, ils sont 12. On a des cadeaux à affiler. J'ai récupéré des overboards parce que ça faisait plusieurs fois que les mecs qui me demandaient des overboards par mail. Donc Flo des cadeaux, ouais, c'est enfin sorti. On en a. Les deux autres. Okay. Il est allé ce matin acheter la Fnac des overboards, donc on vous file tout ça après. Overboard, on a des tablettes Samsung aussi. Ouais, aussi. On a des montres Samsung Gear S2. Ouais. Les montres connectées en fait. Hein, ouais, c'est ça, exactement. Et les PS4 Pro, on a plein de trucs à vous filer toute la soirée. J'ai l'impression que le son a changé dans le casque. Ouais, il y a un truc, ouais. Non, moi aussi, ouais. Ma voix, c'est vrai. Ah ouais. Soit on est bouché ou un truc comme ça. Mais... Non, ta voix, ça. Ah aussi, il y a un truc bizarre. Elle est moins aiguë. Ah ouais, elle est pourrie là. Ah, j'aime pas. Non, mais je pense que les techniciens, ils ont modifié un truc. Ah oui, sabotage. Moi, j'aime bien quand le son est agressif. Ah ben là, ouais. Remarqué, moi j'aime bien quand ça agresse un peu. Et là c'est trop mou. Il y a un truc. Ah oui, on va envoyer un mail de réclamation JM du standard. Avec on plaisir, va râler, je vais réclamer. On va l'appeler. Je vais mettre le son qui fait whoop whoop. On va l'appeler. Morgane, je t'aime en vomir. Salut Babou. Ah ouais. Ah c'est beau ça. Bah tu vas peut-être trouver plus classe. Après moi ça m'est déjà arrivé de dire je t'aime en pleurer, ça c'est mignon. Hein. En pleurer. Ouais c'est pareil à peu près. Hein. Ouais. Salut Guillaume en direct du taf aussi. Hein. Bonjour à toi Guillaume et à cette tronche de lémurien fugité de sourette. C'est qui ça? De Julien, stagiaire qui est gênant avec sa voix de catin, oui. Mika, qui voit des messages toujours. Salut mec. Nous venons vous voir au Energy in the Park, à Trélazé avec Sonia, en hâte. On vous aime, salut Amandine et Sonia. Salut. Merci beaucoup les filles, à la 6ème 1 du collège Arzonval à Brive. Le bac, c'est dans 3 jours, j'ai trop peur. Salut Marie. Ah ouais, la philo. Salut, mets tes overboards dans le cul de JM du standard. Non. Cédric du 53. Ah, salut Cédric. Salut l'équipe, va bien ou pas? Salut Emilien. Écoute, ça va bien, j'ai l'impression que tout le monde va bien. Enfin. On a Sabrina qui a plus de cellulite. Mais des bleus. J'ai pas dit ça. C'est aspiré cellulite. En direct du lit, salut mec, salut Enguerrand. Et tu t'es acheté ça ce matin, ta cellule cup là pour aspirer ta glace? Ouais, grave, j'ai acheté ça en fait à Sephora et en fait je l'ai essayé sous la douche, mais ça nique les jambes en fait. Mais c'est à dire, tu la chauffes, c'est relié à une prise de courant? Non, c'est quoi? Rien du tout. En fait, c'est juste du silicone et en fait, faut appuyer dessus pour que ça aspire en fait ta jambe ou la partie où t'as de la cellulite. Pour les gonzesses quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et en fait, après, bah, tu la montes, tu fais des petits cercles, tu fais plein de mouvements avec, mais ça nique les jambes. Bah, au bout d'un moment, ça te fait comme un suçon. Ouais, c'est ça. C'est pas bon en plus. Mais tu vas quand même pas croire que ça te casse la cellule. J'ai été voir des blogs et tout, du coup, je me suis dit, je vais l'essayer. Oh là là. Sur jemaigris.fr, sur manger bougie. Oh là là. Non, mais il y a des blogs qui s'appellent comme ça pour maigrir, qui s'appellent genre aucuneexcuse.com et tout. C'est des trucs pour maigrir en gros. Après, je sais pas si ça fonctionne, mais qu'est-ce qu'il y a, JM Sandra? Il y a le slogan d'une salle de sport. C'est merci beaucoup. Le mec il joue, il parle quoi. C'est salope. Tiens, on pourrait le noter comme. T'inquiète. Et alors le slogan, c'est pas d'excuses en fait. Pas d'excuses pour aller faire du sport, tout ça quoi. D'accord, ok. Bon, en fait, tu reprends un petit peu ce que je viens de dire. C'est le slogan de la salle. Le mec il est énorme. Ah oui, c'est le CMG. C'est le Club Med Gym. Et en fait, c'est le site internet du Club Med Gym qui s'appelle aucuneexcuse.fr. D'accord, ok. Voilà. Mais n'hésite pas à reprendre mes infos et à bugger sans ramener notre Mickaël qui est là, 29 ans de Carcassonne. Bonsoir Mika. Ok. Allô. Bah oui. Allô. Qui est papa? C'est qui papa? Enchanté Mika. Ça va. Ah putain. JM du standard, tu vas leur envoyer un SMS comme quoi le son il marche pas là. Ah évidemment. Il y a un truc. Non mais ils se foutent de la gueule du monde. Excuse-moi Mickaël, mais dans mon casque ils ont pété le son là. Tu sais, t'as l'impression les techniciens énergie, ils viennent juste pour abîmer le truc, ils sont bons. le son, il est bon. Ah bah attends, on va l'abîmer. Ah bah ouais. Attends, c'est pas ton casque. C'est pas con ça, ouais. Je vois tes fils qui. Non, mais mon casque, effectivement, il est à moitié défoncé, mais parce que j'ai la flemme d'en acheter un autre. Mais bon, c'est vrai qu'il y a 2-3 fils dénudés. Mais en fait, il marche très bien. Et en fait, je comprends pas, mais je me dis, tiens, c'est bizarre, le son est pas bon. J'ai un stagiaire doit dire pareil. Moi aussi, j'ai des bonnes oreilles. JM du standard aussi. Ouais, pareil. J'ai l'impression qu'on a vraiment un son de merde, là. Le stagiaire a le trou de balle en chou-fleur. de dire ça. Le site qu'elle a vu, c'est pigeon.com. Après, je comprends pas. Excuse-moi, Mickaël, on fait un débat sur le sport. Ouais. C'est Sabrina qui est chez nous. Elle a voulu se cramer sa cellulite. Mais pourquoi tu vas pas courir plutôt? Bah oui, non, mais en fait, j'ai un abonnement à salle de sport, mais j'y vais jamais. Mais en fait, là, j'ai vu une blogueuse qui écrivait que c'était vachement efficace à monter le avant-après. Donc, du coup, je me suis dit, ah, mais t'es quand même pas con à croire ça, quoi. Non, mais les avant-après, c'était dans les années 80, quoi. Non, en plus, ça marche, parce qu'enfin, ça marche. Et comment ça s'appelle dans les boutiques machin, là, du matin, on dira pas de chaîne de télé. Ouais, enfin, les shopping. Tes shopping du matin. Et ben, ils te montrent des avant-après, mais grotesques, quoi. Tu sais, il y a des fois. C'est de la merde, moi, je crois pas. Les témoignages. Mais surtout, moi, les brosses à cheveux au rayon ultra. Violets qui te font pousser les cheveux. Tu vois. Ouais, super, ouais, tu les perds. Mais, ouais. Tu sais, ça devrait être interdit même. Grave. Parce que c'est mensonger. Mais oui. Le jour où il faut se dire que le jour où il y a un mec qui va inventer une brosse à cheveux qui fait pousser les cheveux, bah, le mec il va être milliardaire. Ah ouais. Non, en vrai. Mais c'est ça serait, ouais. Le mec il met 3 diodes bleues et il vend ça comme un truc qui fait pousser les cheveux et les mecs ils vendent ça 40 balles là. Les charlatans. T'as encore des cheveux, Mickaël, toi, ou t'es un peu déplumé genre dessus, dessous? Non, moi j'ai des cheveux, moi. Ouais, c'est vrai, t'es genre poilu. Non, du tout, non. Tout fou. Ouais, non, mais... moi je m'épile, moi. Ouais, tu t'épiles, mais sur la tête, t'as encore des poils, quoi. Ils sont encore là. Bah ouais. Oui. Ouais, heureusement. Est-ce que quand t'es chauve, c'est une vraie question, je viens stagiaire. Bah, je suis pas chauve à 100%. De poser la 50-50, quand même. Non, t'es chaud à. On va dire que je suis mi-chauve. On va dire que t'es chaud. T'es chaud pour l'instant. T'es chaud, t'es à moitié chauve. Ouais, je suis chaud. T'es chaud. Et est-ce que, au niveau du zizi, vous perdez les poils aussi? Ah non, au contraire, c'est mal foutu, en fait. Et moi, sur les bras, sur les jambes, même sur les mains, j'ai des poils. C'est mal réparti, en fait. Alors que sur la tête, j'ai rien, on va dire. Mais sur les poils partout, les jambes, j'en ai partout. Bah, c'est vrai, je me suis posé la question. C'est injuste, en fait. Ça se déplume pas du tout. Non, comme toi. Salut Guillaume, ma question c'est comment faire pour oublier après 2 ans une meuf, j'ai encore le seum. Eh ben vas-y, on va t'appeler. Il faut juste que tu me laisses ton numéro, puis je vais t'appeler avec plaisir là. Salut au collège Les Vieilles Vignes, à cause Louis de la 3ème C, au 4ème du collège des Monts et Lacs. Bonsoir à vous les gars. Salut. Le stagiaire à la rectum irrité. Pas du tout, ça va. Il y a un truc en vogue, c'est le challenge So Shape. C'est quoi ça? Je connais pas, non. C'est quoi le challenge So Shape? Tu sais, il y a trop de challenges en ce moment là. Ils inventent un challenge par minute. C'est quand le mec il prend son portable, il claque contre un mur et fait challenge débile. Il faut casser son iPhone sur un mur en crépit. C'est le challenge crépit. C'est je veux dire, les gars, arrêtez à un moment donné avec votre challenge à la con. Là. Non, mais c'est marrant, mais tu sais, au bout d'un moment, tu comprends plus rien quoi. Enfin, ouais, c'est vrai. Hein. D'ailleurs, Mickaël, toi, tu t'es déjà masturbé sur un mur en crépit. Le fameux challenge. Le challenge branlette. Challenge crépit. Prends le scratch. C'est quoi ce bruit, Mickaël? Il est sous l'eau. T'étais une bouée gonflable, tu t'es dégonflé. Ça a fait vraiment un bruit comme ça, quoi. Ouais. JM du standard avec son micro, on dirait qu'il glousse. Attends, par contre, j'ai un problème avec Mickaël qui est avec nous par téléphone. J'ai l'impression qu'il s'est dégonflé, le pauvre. Ouais. J'ai l'impression que c'est un extraterrestre. Il faut le regonfler là. Il est passé. Sabrina. Est-ce que tu veux bien la rappeler? Ouais, je vais rappeler de suite. Vas-y, merci beaucoup. Hein. Vas-y. Bon, de toute façon, on n'est plus à ça près. Hein. Donc, on se fait l'émission à l'ancienne ce soir. On va parler, je crois qu'il voulait parler. Il y a une meuf qui le drague, mais genre sale alors qu'il est en couple et tout. Ouais. Le boulot. Est-ce que vous avez déjà eu des avances au boulot? Est-ce qu'il y a déjà des meufs qui vous ont chauffé, ou des mecs hein, au boulot ou en cours? Ah, ça arrive. Mais genre en salle de classe, quoi. Est-ce qu'il y a déjà une meuf qui a passé sa main sur votre zizi alors que vous étiez en plein cours d'histoire, quoi? Bah, vous étiez en plein Napoléon et là, bim. Ok. Petite main qui arrive et puis d'un coup. Est-ce que vous êtes déjà fait chauffer? Vraiment, une avance au boulot. On va en parler avec Mike. Où on court? Guillaume, et votre message au 6-11-12. Quelqu'un qui vous a vraiment dragué de manière agressive, vraiment sale. Ouverte, voilà. Alors Mike, toi de Carcassonne, t'appelles de l'Aude. Dans le 11, représente d'ailleurs les mecs. Big up, dans l'Aude, big up, big up. Tu fais quoi dans la vie, toi, Mickaël, à Carcassonne? Ah ouais, alors on l'a perdu, là. Sabrina, l'entendez? Mickaël, je pense que t'as mal enclenché ton micro. Ou alors ton doigt. Tu m'entends mieux là? Merci. Mais qu'est-ce que t'as branlé là? C'était quoi ce son de merde? Mais rien, je crois que j'avais mon doigt, c'est pour ça. Ouais. Mon gars, ton doigt, c'est un paquebot. C'est plus un doigt là. tu fous un doigt à Julien Stagiaire, tu fais un pas ou quoi? Tu les cartels? Quoi, tu mets non, pas Julien Stagiaire, moi quand même. Merci, mais c'était un exemple. Oui. Enfin, il me respecte, lui. Tu te rappelles de Amine là, tu sais, le chanteur rebeu là avec Leslie il y a longtemps? Señorita? Ouais, Señorita, tu te rappelles ou pas? Non. Oui. Je voulais que tu portes mon nom. Ouais. Il a sorti un nouveau morceau hier. Attends, j'ai attrapé CD. On va écouter 10 secondes et on va voir si c'est de la merde ou pas. Il est gentil, Amine. Mais bon, cool. Les gentils font de la merde. Parfois. Mais c'est pour dire, c'est parce qu'il est gentil que c'est bien. Voilà. Ouais. Attends, allez, on y va. C'est parti. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, non. Ça, c'est l'autre CD. Attends, c'est là. Ah, Angelina. Alors, c'est le nouveau Amine. T'as dit la kiffe, ouais. Voilà, Mickaël. Kenji, un peu. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, sincèrement, hein, Mickaël ? On n'est pas là pour broncher le cul. Hein. Honnêtement, c'est pourri. Ouais. Ah ouais. Oh. Bon, voilà. Direct. Ouais. Ouais. Je vais essayer. Ouais, très fan. Hein. Très fan. Señorita, c'est mieux. Ouais. Hein. Floricado. Bah, Señorita, Angelina, ouais, faudrait qu'il change. Ah un peu, ouais, ouais, ouais. Ça finit en. Non, mais c'est pas mal. Moi, j'aime bien Amine, mais. Bah, pour l'été, ça va. Il aller. Est moins fort que ouais, Señorita. Ah ouais. Angelina, laisse-moi t'aimer. C'est pas mal quand même. Il essaie de faire un truc pour l'été. Après, il y a le nouveau soprano qui défonce. Ah ouais. On va vous jouer après. Moi, une meuf m'a touché le zub, pas au lycée, mais dans une église, j'étais vénère, oh, Gaspard de 25. Une femme m'a dragué dans un bar, m'a chauffé au maximum, et puis elle m'a demandé 50 euros. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Je travaille en station-service sur l'autoroute A50 à Marseille, je me suis fait draguer constamment. Et je me fais draguer constamment par les clients. Parfois c'est classe et parfois non. Salut Katoun. Ça dépend des mecs. Hé hey, Katoun, hey, laisse-moi ton numéro, tu vas me raconter de quelle manière t'es dragué dans la station A50. Mais toi, t'es une meuf en plus. Est-ce qu'il y a des mecs qui te draguent à la façon un peu JM notre standardiste? Ah non, moi j'ose pas dans une station-service. Pas chic. Imagine. Salut Guillaume. Bonsoir à toi. Je vois plus la nouvelle Sabrina du même œil à cause de la chanson Macarena de Damso. J'ai pas compris. Oula. Ah oui, Sabrina, je crois. Il ouais, pécho crois, une Sabrina un dans la chanson. Ouais. Moi, je suis maître nageur. Imagine comment je me fais draguer. Ah ouais. Ah, l'été, ouais. Je suis esthéticienne et ça marche. Je confirme pour Sabrina. Bon courage pour s'enlever la cellulite, les petites ventouses. Ah. Merci. Si je buvais un shooter à chaque fois que vous dites en fait je serais déjà bourré après 12 minutes d'émission. Merci Jules du 57. Ouais, ah ben salut. Alors bah en fait ouais. En fait, j'ai jamais dit que je faisais une bonne émission. Ah, non. Et bah écoute, si tu veux, tu peux aller écouter notre émission, mais je crois que tu seras pas bourré, mais tu vas te faire chier. Alors, bah fait, grave. Le stagiaire à l'orifice en zigzag. En zigzag, je sais pas, il y a des messages qui arrivent. Faut pas les lire, vas-y. Alors, il y a plein de réactions. Mickaël, comment tu t'es fait draguer? Alors, vas-y, raconte. En fait, en ce moment, je suis dans une situation assez embarrassante. Oula, j'ai une de mes collègues, elle est assez jolie, blonde aux yeux bleus, un physique assez avantageux. Ouais. Et le problème, en fait, c'est qu'elle est en couple, elle a deux enfants, et en fait, depuis quelques jours, elle me fait des avances ouvertement. Ah ouais. Mais c'est-à-dire en fait, des avances genre pour se prendre un petit. Tu travailles dans un supermarché, c'est ça, t'as dit? C'est ça, oui. Mais genre, elle a envie de prendre bon, je dirais-je. Il est tôt là. Ouais. Mais elle a envie de se prendre une cartouche au rayon sopalin. Elle a envie de fonder une famille pour deux. Non, ah ouais, juste prendre une petite cartouche, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Mais après, en fait, le truc, c'est que je suis son type d'homme et voilà, je comprends pas sa réaction vu qu'elle est en couple, elle a deux enfants et. Elle est peut-être en couple. Voilà. Bah, ça arrive, plaît. Ouais. Mais la meuf, en fait, elle fait tout pour être seule avec moi, donc elle vient en réserve, elle essaye, elle me touche directement. Donc, mais toi, t'es quoi? T'es célibataire ou t'es en couple? Ouais, moi, je suis célibataire. Bah, t'es cool, quoi, je comprends pas du tout le problème, vas-y, en fait, Mickaël. Bah, s'il te plaît, en plus. Mais en fait... Voilà, mais en fait, le truc, c'est que, voilà, à force qu'elle fait ça, je vais finir par craquer, donc... Ouais. Bah, non, mais en fait, je comprends pas ce qui t'empêche de craquer. Bah, en fait, parce que j'ai pas envie de bousiller son couple, parce que... Non, mais t'as pas... Mais ça te regarde pas, c'est elle qui gère son couple. Ouais, ouais. Non, mais s'il faut, son mec, il est d'accord pour qu'elle aille un petit peu voir à droite, à gauche, tu vois ce que je veux dire, il y a plein de trucs. Elle est libérée, ouais. Ça m'étonnerait, mais... Bah, en fait, le truc, c'est que ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est que j'ai l'impression en fait d'attirer des meufs qui sont déjà en couple. Ben oui, mais quel est le problème? Je comprends pas. Si après, peut-être qu'elle est tombée amoureuse de toi. Ben ça arrive. Et peut-être qu'elle a juste envie de prendre une cartouche parce que t'es beau gosse. Et ben qu'est-ce que ça peut te foutre en vrai? C'est à toi de donner, quoi, toi. Ouais, je sais, mais après, à ce qui paraît, cette meuf, c'est pas une référence. En fait, elle a deux enfants, mais de deux pères différents. Bah c'est pas grave, ça fait pas d'elle une sous-femme. Hein. Ah c'est sa vie. Hein. Bah non, mais peut-être qu'elle a des histoires. Ouais. Obligé de lui faire. On va s'écouter Guetta et Justin Bieber. Le nouveau, il s'appelle To You. Je sais pas si vous l'avez entendu. Il défonce. On va se l'écouter maintenant. On va se retrouver juste après avec toutes vos réactions. Est-ce que pareil, vous êtes déjà fait draguer sale? Guillaume et votre message là au 6 11 12. C'est ce morceau pour ceux qui le connaissent pas. C'est celui-là le nouveau. On va se l'écouter en entier. You to shed it. Nouveau Guetta avec Justin Timberlake, avec Justin Bieber, pardon. Ouais. To You, Chainsmokers, Coldplay après, Sound of Legend, on se fait du Julian Peretta, on se cale tous les gros, et de toute façon, 22h minuit, on est là, il est 10h19, on va parler, là, il y a des messages énormes, là. Il y a Cham qui vient nous appeler, Fabien qui vient de réagir, et vous êtes hyper nombreuses aussi, Kenny, on va retrouver tout le monde, Kelly, Guillaume et votre texto aussi, 612, des fois, vous êtes vraiment fait draguer sale, les avances, vous êtes fait vraiment chauffer par une meuf, par un mec au boulot ou en cours, juste après ça, sur Énergie. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you. Want you to share that. Sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne sur Énergie avec Soprano. On va se l'écouter après. Soprano Cordonnier, on est en direct. Il est 22h22. Il y a eu du foot aujourd'hui, j'ai stagiaire. Non, il n'y en a pas. Il y a eu du tennis. Non, c'est fini. Rafael Nadal a gagné hier. Ouais. Vous bougez pas, dans 30 secondes, on se retrouve à parler des avances au boulot. Guillaume, et votre message, est-ce que vous êtes déjà fait draguer par une meuf ou un mec au boulot ou au cours? Il faut toujours jusqu'à 50 000 euros. Ils se déplacent toujours très vite. Ils se font toujours dans la foule. Et cette fois-ci, ils se déguisent. C'est le fugitif Énergie. Téléchargez l'appli Le Fugitif Énergie et demain matin à 6h30, 7h30 et 8h30, Manu dans le 6-9 sur Énergie vous donne des indices pour le découvrir. Le Fugitif Énergie, partout en France. Vous le trouvez, vous gagnez jusqu'à 50 000 euros. T'as vu comme elle est mince? Dis donc, mais elle a beaucoup perdu. Je sais, on en prend une. Attends les Days of Play. Les Days of Play? Bah oui, les promotions PlayStation. Une console slim et des prix minces. Regarde, la PS4 slim 500 Go et deux manettes sont à 299,99€. Les Days of Play du 10 au 17 juin. Voir modalité de l'offre dans les magasins participants en quantité limitée. Gagnez sur Énergie des iPads pour la sortie du film 50 nuances plus sombres en Blu-ray et DVD. Vous voulez devenir une femme entretenue? Écoutez Coé de 19h à 22h sur Énergie et vous gagnerez sur Énergie, votre iPad et le film 50 nuances plus sombres. 50 nuances plus sombres, disponible mardi en Blu-ray et DVD. Énergie, it's music only. Salut chérie. Oh, mais c'est quoi ce bouquet? Il est énorme. Bah, c'est le bouquet TV by Canal, inclus dans la Freebox Révolution. Ah bon? Mais c'est quoi? Bah, 50 chaînes en plus. Des chaînes comme Eurosport, Disney Junior, Comedy Plus, Planète Plus, et c'est sans engagement. Sans engagement? Oh, merci chérie, et merci Free. Forfait Freebox Révolution, avec TV by Canal Panorama à 39,99€ par mois, tout compris et sans engagement. Offre soumise à condition, sous réserve d'éligibilité. Plus d'infos sur free.fr ou au 1044. La momie, qui est-elle? Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais c'est resté bien caché pendant 2000 ans. Enfermée dans son tombeau depuis des siècles, malheur à qui viendra troubler son sommeil éternel. Elle vient réclamer ce qu'on lui a refusé. La momie, avec Tom Cruise et Russell Crowe. L'aventure rejoint la légende, le 14 juin au cinéma, avec Énergie. Music Station. Énergie, hit music only. Sur Énergie, bonne soirée, on est en direct. J'avais plus envie d'entendre le jingle. Il est 22h28, on est en direct comme chaque soir. On se fait de la radio ensemble, passez une bonne nuit les mecs. Si vous êtes là, ça y est, il commence un peu à faire nuit là. On se met à la cool dans le studio. Alors, tout à l'heure, ceux qui découvrent l'émission, je m'appelle Guillaume. On est en direct de 10h à minuit. 10h du soir à minuit, il y a Julien Stagiaire. Ouais, je suis là, salut. Flo des cadeaux. Salut tout le monde. La Sabrina. Ouais, elle est là. Qui est là et JM du Standard. Ouais, salut à tous. Juste pour vous dire que JM du Standard qui a un micro de. Ah ouais, il est horrible. En carton. Ne parle plus, JM. D'accord. Fais-le réparer ton micro, mais là, ouais. Putain, je te jure, c'est vrai, ça grésille à l'antenne et tout. Les mecs, ils lui ont changé son micro, tu sais, ils t'en mettent un moins bien. Ouais, ah bah en là, fait, ils ont vendu la machine à café, ils ont acheté le mieux. C'est ça. Ils avaient besoin d'argent, ils ont vendu le mic. C'est fait nickel. Bon, en tout cas, on est là et on a un nouveau. On a un petit stagiaire en ce moment qui est là pendant quelques jours, qui s'appelle Fares, voilà, qui vient de Barbès. Fares de Barbès. C'est facile à retenir parce que ça rime. Hein, voilà. Ouais, ouais. Barbès, c'est un quartier de Paris, ouais, qui va pas. Ça, ouais. Et en fait, il est venu. Ça fait 6 ans qu'il vient nous voir en bas de la radio et tout ça. Il va faire sa première chronique. Il a fait une chronique bon plan jeudi. Ouais, c'était cool, franchement. Il nous a parlé d'une appli qui défonce. Mobile. D'ailleurs, JM du Standard, faudra mettre sur YouTube cet extrait. Ouais, ouais, évidemment. Ouais. De Fares de Barbès. Ouais. Et qui présente l'application et tout. Mais ça, faut la mettre vite, ça défonce. Ok. Et. Attends, merde. Ok. Voilà. Et en fait, là, il va nous faire un truc, il va nous faire une remise de prix sur la pire phrase, la pire blague, le pire blanc, le pire bug, etc. de l'équipe sur la semaine. On va faire ça tout à l'heure. On va faire l'énigme aussi. On vous file des cadeaux comme tous les lundis. On fera l'Astarac Énergie et on fera le couille ou pas couille. Tous les membres de l'équipe vont raconter une histoire. Il faudra deviner si c'est une couille ou pas une couille en rapport avec les soirées, spéciales soirées. Ça, on se le fait dans 2 minutes. D'abord, il y avait Mickaël qui est là, 29 ans de Carcassonne en force. Et tu vas passer l'été tu vas passer l'été où, toi, à Carcassonne, du coup, Mickaël? Ouais, à Carcassonne, j'ai pas de vacances. Tu vas être là pour l'embrasement de la cité le 14 juillet, là, c'est une sorte de feu d'artifice, oui. Ou le 15 août, ouais. Ouais, j'y vais toutes les années. Ouais, c'est hyper beau. Ça, c'est vrai que, ouais, en fait, ils embrasent, comme s'ils embrasaient la cité, ils mettent des feux d'artifice qui coulent sur tous les remparts. Et ça brûle, genre. Et vu que c'est une cité médiévale, Carcassonne, il y a des, remparts tout autour. Ouais. Vous avez déjà vu les cadeaux? Ouais, j'ai déjà vu aussi. Et puis, il y en a par chez moi aussi, vers Guérande. De quoi? Ah, des cités fortifiées. Ouais. Et ben voilà, c'est des cités, exactement. C'est un peu à l'ancienne. Comme Saint-Malo. C'est hyper, hyper joli, Carcassonne. Ouais. Et en gros, ils embrasent le 14 juillet ou le 15 août. Ça dépend un peu les deux, je crois, d'ailleurs, non? Oui. Ok. Non, après, ouais, il y a un gros feu. Mais t'inquiète, poteau, on est à la maison là, on est tranquille le soir, première radio de France, on est tranquille. Voilà, c'est le moment où on est le plus cool de la journée. Ouais. C'est le moment où on peut discuter, c'est le moment où on peut sortir, ouvrir les vannes, mon gars. On peut parler de Fion après. Moi, j'ai envie qu'on parle un petit peu de cul ce soir. On a encore Sabrina, l'histoire du doigt dans le derche. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. C'était l'un d'entre vous qui aimait bien se mettre dans le cul. Il a découvert ce plaisir. Moi, j'ai envie qu'on parle du plaisir ce soir. Vraiment. Ouais, c'est important. C'est vraiment important pour moi ce soir, le cul. Donc, on en parlera tout à l'heure. Guillaume et votre SMS au 6-11-12. Est-ce que vous êtes déjà fait, les mecs? Il y en a qui dit: je me suis fait masturber en SVT et tout. Non, je me suis fait branler. Alors, Guillaume et votre texto au 6-11-12. Est-ce que vous êtes déjà fait allumer par une meuf ou un mec? Ça peut arriver dans les deux sens, au boulot ou en cours. Voilà, Guillaume, et votre message avec votre numéro de téléphone au 6-11-12. Toi, tu disais que tu te faisais chauffer par une meuf alors que t'es célibataire, mais elle est en couple et ça te bloque un peu, c'est ça, Mickaël? Ouais, c'est ça, parce que après, je suis respectueux, je respecte les femmes et tout, et j'aimerais pas qu'on me le fasse. Ouais. Donc, après, je me mets à la place du mec, mais après, c'est... Voilà, il y a un moment, je vais céder à la tentation, donc... ça devient dur. Ah, c'est vrai, putain, énorme. Ah, tu le sais, ouais, c'est chaud. Attends, mais après, c'est pas ne pas respecter. Là, c'est une sorte de solidarité masculine. Où tu dis, mais les autres mecs, je peux te dire qu'ils en ont rien à branler. Hein. J'ai un stagiaire célibataire. Bah, moi, je fonce, franchement. Il y a une belle blonde qui vient. Ah, je m'en bats les couilles, du mec ou pas. Franchement. Et si elle pense à moi quand elle est couchée avec lui, c'est encore mieux après, tu vois. Il y en a qui disent, j'étais chef de cuisine sur les bateaux de croisière. Et 70% de filles hongroises recrutées au physique qui frappent à la porte de ma cabine juste parce que chef est bon salaire. Bonjour à l'équipe, salut Kenny là. Allez, hongroise. Non, parce que tu dois être beau gosse. Bah ouais. Ah ouais. Attends, faut pas dire, c'est parce que je pense bon plan, à la branler. Hein. Ah ouais, c'est clair. Tu pars en croisière. Mais ça peut aider quand même. Ah, moi, comment ça d'être bien. Moi, je suis barman en discothèque et je me fais souvent draguer par des meufs juste pour qu'elles aient un verre gratuit. Bah ouais. Ah. Okay. Salut Joss. Bonsoir, et toi? Pas d'accord, Guillaume. T'aimerais qu'un mec qui ken ta meuf ait la même réflexion que toi? C'est juste une question de respect. Alors, je comprends, mais après, si c'est ma meuf qui va draguer, c'est de la faute de ma meuf. C'est elle qui cherche la merde. C'est pas de la faute du mec qui est célibataire. Le mec qui est célibataire, il va pas se dire t'es en couple, alors moi je te touche pas. Non, mais après, je comprends ce fonctionnement. Moi, je pense que la personne célibataire, elle a pas de truc à avoir. De morale. C'est pas son problème. Il y en a qui en ont quand même. Mais Mais c'est pas la question de pas en avoir. Ouais. Je pense que quand t'es célibataire, t'es libre. Donc si la meuf est de drague, c'est qu'elle a envie, c'est elle qui fait une erreur. C'est pas toi. Toi, t'as pas de contrat avec quelqu'un. Ouais, c'est pas faux. Donc t'as pas passé un contrat avec son mec, tu vois ce que je veux dire, Flo des cadeaux. C'est la meuf qui respecte pas son mec. En plus, si elle a des gosses avec lui, c'est elle qui respecte pas. Mais peut-être qu'elle a juste envie, tout simplement, de prendre un coup de zizi et qu'elle fait plus l'amour avec son mari, et c'est pas méchant. Peut-être qu'elle aime toujours son mec. Ouais, non, mais rien à voir. Elle a peut-être un besoin sexuel, Flo des cadeaux. Tu vas pas casser une famille parce que t'as envie d'un coup de queue, quoi. Il y en a plein qui le font. Non, mais bien sûr. C'est malsain. Bah, c'est malsain, ça fait partie de la vie. La vie est malsaine en relation. C'est malsain, ça, mais pas du tout. C'est-à-dire que tu sais pas s'il faut, ça fait 20 ans qu'ils sont en couple, ils ont plus envie de niquer. Et le mec, il fait pareil aussi, peut-être, son mec. Il va pas casser sa famille. Non, toi, tu comprends pas, Flo des cadeaux. Ben non, mais mais à partir du moment où tu couches avec plein de mecs et tout, tu le quittes ton mec. Il est vieille France un peu, Flaudet. Ah ouais, mais si, il faut dire. Calo, il est vieux tout. Mais c'est quoi cette relation? Il est vieille, vieille. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Je pense qu'au bout de 20 ans, t'as fondé une famille, t'es bien, t'as tes maisons, t'as tes enfants et tout, et que tu fais un peu moins l'amour, s'il y en a un à un moment donné qui va voir ailleurs, moi ça me choque pas. Non, mais une fois, ok, mais là, si la meuf. Bah t'en sais rien, c'est peut-être sa première fois, voilà. Bah ouais, tu sais pas. Elle a peut-être envie de prendre un coup de. Julien Stagiaire, t'as jamais eu envie de prendre un coup de rein? Un coup de kékette par un parier d'un collègue. D'un collègue. D'un employé de mammouth. Dans son fond, ça, non, jamais. Non, mais t'as jamais eu. Ah, mais quand je suis en couple, même au bout de 2 mois, je me lasse vite. Tu t'es déjà fait draguer par une meuf en couple? En couple, ouais. Et justement, je l'ai niqué en fait, la meuf. Forcément, bah, elle avait un mec. Et... Non, mais c'est vrai, bah, quoi, c'est vrai. Et le mec, je le connaissais, justement. C'est pas vrai. Et je l'ai déjà croisé avec elle, justement. Et c'est jouissif au fond de toi. Il y a un côté un peu malsain où tu te dis, ta meuf, je l'ai eu. Et il, a côté... et il le sait pas, franchement. Ah, victoire. Et le mec, je lui ai serré la main, tu vois. Il savait pas qui j'étais exactement. Il me situait un peu, tu vois, dans les connaissances, mais il savait pas que je l'avais. C'est vrai? Ouais, je te jure. Mais c'était qui, genre, le mec? C'était, bah, c'était son mec à elle. Ouais, je le connaissais, voilà. Elle me l'a c'était présenté. Un pote que tu. Non, c'était pas un pote. Non. Je savais que c'était son mec, mais voilà. Ah oui, d'accord. C'est abusé. Et je te jure que c'est jouissif au fond. Ah ouais, et t'aimes ça, en fait. Plaît, quoi. Bah, quand tu lui serres la main, tu lui dis, franchement, il sait pas, mais. Moi, ça me plairait pas du tout. Non, mais une fois, je l'ai c'est fait. C'est pas un plaisir que j'aurais. Se nourrit. Ah, c'est un peu pervers, j'avoue. Non, mais j'y aime le standard, non? Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé de ken la meuf d'une fille qui était en couple, et en plus, son mec, il était prof de boxe. T'as déjà niqué la meuf d'une meuf qui était en couple, ça veut rien dire. Une meuf qui était en couple, et en fait, elle était en couple avec un prof de boxe. Donc, moi, je l'ai vu, le mec, je me suis chié dessus, quoi. Mais après il sait pas donc ouais, il sait pas, mieux pas. Ouais, ouais. Vendeuse au magasin de sport, la drague par les clients, ça y va. Quelle bande d'affamés, même quand tu leur montes ton alliance et tu leur dis ça ne t'intéresse pas, salut Amélie là. Salut. La cellule cup fonctionne, mais il faut utiliser une huile de massage pour que ça glisse bien, sinon ouais. Ça fait des bleus. Ça c'est le truc pour enlever la suite qui a testé Sabrina tout à l'heure. Et puis elle a des bleus au cul maintenant. Non, moi je me suis fait souvent draguer par les meufs de mes potes, c'est pareil, c'est horrible, vive la situation de merde. On va t'appeler, il y a beaucoup d'appels. Hein. On va t'appeler, il y en a qui dit Clément là, il dit je suis pompier, je me fais draguer constamment en intervention. Ah. Bah, oui, on va t'appeler mon Clément là. Les pompiers. On va prendre toutes vos réactions et tout là. Bonsoir à toi, il y a beaucoup de. Ouais mon con. Ouais, j'avais oublié de te dire en fait, le mec de la meuf qui est voilà, qui arrête pas de me chauffer, en fait, il vient voilà, genre 2 jours dans la semaine et il s'occupe en fait de la maintenance du magasin. Ah oui d'accord, ah tu vois qui c'est. Ah, ouais. Ah tu le croises genre. Donc en fait le truc c'est que si je ken sa meuf. Si je vais le croiser, je vais me sentir trop mal. C'est chaud. Ouais. Bah après, ah ouais, ça c'est sûr. Après, tu te sens mal, mais bon. Bah, t'as pas le choix. Mais qui dit, ça t'est déjà arrivé de mater des filles de ta classe? Bah, du premier au dernier jour. Bah oui, c'est humain. Moi, je passe ma journée à regarder. Hein. On est des mateurs. Hein. Moi, je suis guide de rafting et de kayak. Il y a 2 semaines, je prends un groupe sur l'eau, enterrement de vie de jeune fille, et leur jeu était de me draguer pour m'embrouiller. 12 meufs qui te chauffent, même pour rigoler, c'est chaud à gérer. Ah c'est ouais. Du kayak. Du standard, est-ce que tu veux jouer à un jeu avec moi? Je t'attache à un poteau et je te défonce ta petite gueule de pute avec ma bite en fer. C'est impossible. Ah là là, jamais. Je m'appelle Erika et tout le monde dit que je suis bizarre juste parce que j'ai jamais été en couple. Aide-moi, mais à la radio, car normalement je n'ai pas le droit à mon iPhone. Salut au collège Charlet à Remiremont. Mais non, t'inquiète, ma chérie, c'est bon. Il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont pas en couple, c'est pas grave. Hein. Ah oui. Je prends le stagiaire par les bourses, bah, je biffe comme une piñata. Salut Clint Maurice. Quoi, une piñata, je sais pas. Du 83. Une piñata, c'est les trucs que tu as avec une batte de baseball et t'as les yeux bordés, il faut que tu tapes et ça fait tomber des bonbons. Ah ok, d'accord. Salut Guillaume, les casques n'ont pas de soucis, c'est juste JM du standard qui a une voix de merde ce soir. Oh là là. Bonsoir à tout le monde. Je me suis fait draguer seulement par mon ancien patron, sauf qu'il ignorait à l'époque que je m'étais mise en couple avec son fils qui bossait aussi dans la société. Énorme. Ça fait 8 ans que je suis avec lui, ça fait toujours bizarre quand on fait des repas de famille et tout. Putain. Guillaume, et votre message au 612, est-ce que vous êtes déjà fait draguer seulement en cours ou au boulot? On va retrouver des réactions. Il y a Shams, tu m'entends Shams dans Guerre les Bains là? Ouais. Ça va, ouais, vous allez bien? Ça va, tranquille. Salut. Ouais, super. Je te fais une petite danse du vent. J'ai un stagiaire, on lui a mis un petit truc au nombril. Vas-y, on sait. Avant de vous offrir des overboards, des PS4 Pro et tout là. Eh, hey, t'as vu, il y a le fugitif Energy Shams là. Ouais. Ah ouais, ouais, t'as rempli là. Ouais, ça y est. Et il y avait. Alors, je sais pas. Attends, je vais lire le truc là. Ce matin, il a pris une photo d'un casino. Ils ont reconnu le casino de Trouville. En Normandie, ouais. Mais que se trouve en face de Trouville, c'est Deauville. Voilà. Après, il y en a un. Il a fait un Facebook Live du fugitif Energy. En direct, lui, il a fait ça à Deauville ou à Trouville, sur la plage. Il fallait le trouver. S'il le trouvait, il gagnait 5000 euros. Ouais. Le fugitif Energy indique qu'il sera à Rennes demain. Ah. La photo du fugitif Energy a été dévoilée. Vous pouvez la voir sur energy.fr. On sait qui c'est alors. Ouais. Et à 17h, Yann a donné la position la plus proche du fugitif énergie à 17h. Il est bien à quelques kilomètres de Rennes. Il gagne 1000 euros. Dans le 35. Voilà. Ah ouais. Donc là, pour l'instant, allez voir la gueule du fugitif. Cette belle gueule de. Fugitif. De fugitif. De Wentworth Miller. C'est ça. Prison Break. Prison non, Break. Non, mais non, en plus, il est hyper gentil. Il s'appelle. Ah non, je sais pas si on peut dire son nom. Ah non, faut pas. On va, retrouver... ouais, on va pas dire son nom. Non, non. Mais on le connaît. Je vais vous donner son numéro de Non, non, je peux pas, mais sinon ils vont me faire chier. Mais voilà. Il ouais, y a de l'argent là. En tout cas Guillaume et votre message au 6, 11, 12, si vous voulez réagir et tout. Et le fugitif énergie, il y a des cadeaux à vous filer, on vous file tout ça et ça va tomber au bout d'un moment. Ça peut monter jusqu'à 50 000 balles, non, c'est ça, Jim Sandard. Ouais, c'est ça, Guillaume. Ouais. 50 000 euros. Ouais. Ah putain, là, ça vaut le coup, mon gars. C'est énorme. Ouais. Ah là, tu le trouves, tu t'achètes une. Tu t'achètes une caisse directe, quoi. Je m'achète un truc sale. Hein. La belle journée, quoi. Alors, Shams, tu fais quoi dans la vie, Shams, du 95? Alors moi c'est simple, la journée je suis maître nageur et le soir je fais youtubeur. Tu fais quoi? Youtubeur. La journée je suis maître nageur et la nuit je suis itch et uber. Itch et uber, okay. J'ai compris youtubeur. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Autre chose, mais... Ah t'es itch et uber, c'est des applications comme taxi ouais. Pour ceux qui connaissent c'est pas ça, du tout ouais. Et t'es pas déjà passé Tinder. Avec nous Shams? Non là c'est mon premier, enfin c'est mon dépuissage. Sincèrement putain c'est... J'ai l'impression qu'on a déjà eu, il y en a pas que un de Shams en France. Ah, si, je crois que je suis le seul, mais bon. Mais non, on a déjà eu un Shams, ouais. Je te jure. Ouais, il y en a d'autres qui sont passés. On l'a peut-être pris en Uber. Mais c'est ton vrai prénom ou c'est un diminutif? Bah, mon vrai prénom c'est Shams Edine, mais en France, vous voulez dire Shams. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, on... c'est mignon, j'arrive pas à prononcer. On va t'appeler. On va juste faire le bruit, quoi. Alors, toi, t'es Itch et Uber le soir et maître nageur où alors la journée? Bah alors ça dépend, mais là souvent je suis à Caen Boulevard en ce moment, donc là-bas c'est l'usine des maîtres nageurs, mais sinon je fais pas mal de piscines dans l'île de France, tu vois. Aqua Boulevard, c'est pas un boulevard, hein, les gars, je vous explique, c'est une énorme piscine, ouais. C'est un peu comme un Aqualand dans le ouais. Sud, elle est au dans ça, Paris, ouais. Qui est fermée, bah, et il y a une petite partie dehors pour l'été. Et c'est le plus grand centre aquatique d'Europe. Hein. Bah alors, je suis pas sûr que ce soit plus grand centre de Paris déjà, c'est bien. Ouais, mais... Ils se branlent. Mais non, je suis sûr en Russie, il y a plus grand. Non, mais même pas en Russie, il a dit plus d'Europe déjà. Mais non. Donc, ouais, en Russie, c'est plus grand. C'est-à-dire, c'est le plus grand centre aquatique intérieur. Bah, franchement, j'ai ah, peut-être. Après, moi, j'ai déjà vu dans le sud, t'as des trucs bien plus gros, mais c'est pas intérieur, quoi. Ouais. Après, c'est un peu de la branlouse. Ouais, c'est leur pub, hein. Mieux partout. Et donc, toi, t'es. Et donc, ah, c'est un bézodrome, c'est vrai? Ça balance. Moi, ça m'excite à la piscine, les meufs. Vestiaires. Ah bon? Ah, c'est ouais. Vrai, parfois, ouais, je te jure. En maillot de bain, là. Ouais, les maîtres nageurs, ce qui est excitant, c'est pas de voir les meufs en bikini ou en soutif, c'est de les voir habillées, en fait. On les voit toujours en bikini ou en soutif. Donc, quand on les voit habillées, c'est là où ça les excite. Ouais, c'est ça, les fait ouais. Ah, et tu te fais draguer en tant que maître nageur, vraiment? Ah, mais c'est abusé le nombre de fois où t'entends si je me noie, tu viens me sauver. Si même les darons qui viennent te voir et te disent demain vous travaillez avec un. Ah ouais. C'est vrai? Ou quand tu fais des cours d'aquagym, aquabike, alors là c'est le délire, tu les fais bien transpirer, tu leur verses leur graisse et à la fin ils te donnent leur numéro. Ah le bâtard. Et t'as jamais Ken du coup dans un couloir? Je pourrais dire non pour faire le mec bien, mais bien sûr que oui. Ah c'est vrai? Ah. Ah oui. Mais après, on peut avoir des problèmes aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois où il y a une fille, elle faisait croire qu'elle était en train de boire la tasse, tu vois, rien de grave, donc saute, je vais la sauver. Enfin, la sauver, c'est un grand mot, mais je la ramène. Et en fait, elle me dit, ah, t'es venu me sauver, nanana. Et en fait, la meuf, au final, je ne sais pas ce qui se passe, je la drague, le soir, on sort, etc. Mais le lendemain, elle revient, mais avec son mec. Et son mec me regarde hyper mal, les deux, il lui dit putain, mais il y a des meufs, c'est vraiment n'importe quoi. Sérieux? Oh là là. Ah ouais, ouais, ouais. T'as déjà Ken une daronne ou quoi? Une daronne, non, je suis jamais allé jusqu'à Ken, parce que clairement, bon, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, mais je me suis déjà vu invité au resto, boire un verre, ça oui, plusieurs fois. C'est vrai, et t'as jamais Ken une meuf dans une cabine d'essayage, un truc comme ça? Ah ouais, trop bien. Bah, si, mais c'est la base. En plus, avant d'être maître nageur, j'étais nageur. Donc je connais les cabines de vestiaire mieux que ma chambre. Attends, mais les cabines. Non mais attends, c'est pas. Toi quand t'étais genre à Caen Boulevard en tant que comment ça s'appelle, maître nageur, t'as déjà ken des clientes que tu connaissais pas? Mais oui, largement. Mais après, je fais pas ça pendant mes heures de service, tu vois, c'est pas pendant que je suis en train de surveiller que je dis attends vas-y. Alors comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors tu les retrouves comment? Je comprends pas là. Ça m'intéresse. Bah, en fait c'est simple, nous par exemple tu travailles dans une piscine de 10h à 19h, mais la piscine elle ferme pas à 19h, elle ferme peut-être à 22h. Eh ben toi, de 19h à 22h, t'es dans la piscine, t'es chez toi. Ouais. Ce que tu veux. Ah, tu restes. Mais non, mais c'est-à-dire, mais attends, mais il y a des meufs que tu connais pas, et tu leur dis, viens, on va dans la cabine, et tu les sautes direct. Elles sont d'accord. Mais non, mais j'arrive pas à dire, salut, ça va, tu vas aller dans la cabine. Non, ça se passe pas comme ça. Tu sais, il y a des regards, il y a des... Toi, nous, quand on surveille, souvent, t'as toujours... un mec qui est avec, enfin des potes qui sont là et tu vois, ils te regardent et tout, tu vois, et tout le monde te regarde et à un moment donné, tu sors une petite blague, tu vas voir, tu fais l'eau, elle est bonne, enfin, tu fais une petite phrase d'accroche comme ça en deux secondes et c'est bon. Et au final, vu que t'as l'uniforme, c'est un peu comme les pompiers ou les ministres, t'as l'uniforme, short rouge, débardeur, ouais. C'est bon, c'est. Il va me sauver, quoi. Oh là là, ah ouais. Et ça marche. Mais attends, mais comment tu fais pour Ken dans une cabine d'essayage qui est minuscule? Debout? Ah bah ça dépend, non, moi je vais dans l'aïe handicapé. Ah c'est vrai, ah oui, ouais, c'est plus grand. Mais attends, mais après t'as une plus grosse truc pour s'asseoir. Mais ouais, c'est ah ouais. Ah ouais, non. Mais la fille du coup, assise sur la banquette ou à quatre pattes? Les banquettes, bon, il n'y a pas. Je fais tout, quoi. Tout ce que je peux tu faire. Non, parce que c'est énorme. En fait, l'autre jour, je suis allé avec Julien Stagia. On est allé il y a longtemps à la Boulevard. On avait la carte en plus. Exactement. Et en fait, quand je sors de la piscine, je vois les pieds de Julien Stagia dans la cabine handicapée. Non, il n'y avait personne avec moi. Et derrière, je vois deux pieds d'homme. Arrête, c'est faux. Et je commence à entendre. Ah, rien. Et j'ai dit Julien Stagia et j'ai entendu. Non, je confonds. Sorte de bruit. C'était pas moi. N'importe quoi. Il pouvait pas trop parler. Il m'a dit. Mais bien sûr que si, je pouvais parler. Après, j'ai dit pourquoi tu as pas répondu. Il me dit je parle pas quand je suis. Quand je suis quoi? La bouche pleine. Ouais, c'est ça. Que dalle. Non, mais à quoi vous le voir? Dites-vous que même dans le jacuzzi, il y en a, ils sont en tel qu'en dans le jacuzzi, en fait, devant plein de gens, mais ils font ça vraiment discret. Et nous, quand on grille, bon, on dit pas sur le toki aux gens, ouais, il y a des gens qui pèsent, nous, il y a un code 35S. Quand tu dis code 35S, c'est que voilà, ça ken. Ça veut dire quoi? Pourquoi 35S? C'est un code. Bon, je sais pas pourquoi. Moi, je suis arrivé, on m'a dit 35S, j'ai dit ok. C'est vrai, ouais, ça veut dire que ça ken. Ah, c'est marrant ça. Ah ouais. JM du standard, il s'est fait ken par Julien sur le bureau d'énergie. Non, n'importe quoi, respectez-moi. Ah, c'est marrant ça. Oh, ah oui, et toi, t'étais nageur avant, Shams alors? Ouais, bah, j'étais nageur de niveau jusqu'à 18 ans, moi. Et pareil, nageur là, genre là, toutes les meufs. Enfin, s'il y a des nageuses qui m'entendent, ils vont me tuer, mais toutes les nageuses, c'est des chaudasses. Et tous les mecs, c'est des chauds-lapins. Ah, c'est vrai, c'est rare. Énorme. Ah ouais. Non, mais attends, c'est rare. À 13 ans, mon petit frère, il a 15 ans. Quand j'entends les histoires qu'ils ont quand ils avaient 13 ans, 12 ans, c'est un délire. Hein. Ouais, l'autre, il a sucé l'autre. Alors qu'au collège, c'est pas ça du tout qu'on entend. Hein. Ouais. Bah après, ouais. Non, mais c'est rare. Et les nageuses chaudes, alors, tu dis? Ah oui, oui. Bah, tu vois, par exemple, pendant les championnats de France, clairement, les vestiaires. Il faut savoir que les nageurs, nous, on se change sur le bord du bassin. Jamais dans les vestiaires. Les vestiaires servent à deux choses. Soit mettre la combinaison avant la course, soit Ken. Donc, tu vas là-bas, tu baisses la tête, tu verras, il y a souvent des pieds face à face dans les vestiaires. Ah bon? Tu sais pourquoi? Deux paires de pieds. C'est marrant. J'ai laissé agir, c'est pour ça que tu voulais devenir nageuse. Non, moi je suis pas à l'aise. Salut à tout collège Armand Latour, à Simon du 3-1, salut les gars. Guillaume et votre message aussi sans doute. Et vous savez quoi, je voulais prendre tous vos messages là. Tous vos appels et tout, Guillaume et le texto 612, on se fait John Beretta qui arrive, sous 9 légendes aussi, et Shane Smoker dans 2 minutes. On se fera ça après, alors on se fait tous les plus gros hits. Tu bouges pas, Cham, si tu restes avec nous 2 secondes. Ouais, y a pas de soucis. On va jouer au couille ou pas couille, juste après, et on va faire la nouvelle chronique. Alors, Fares de Barbès, il va nous faire la remise du prix de la semaine, c'est notre stagiaire qui est là pendant 2 semaines. Il va nous faire le pire bug, la pire blague, le machin, il a découpé les pires phrases de la semaine, on va l'écouter juste après sous 9 légendes, c'est Infinity sur Energy. Ok. ce soir, c'est Guillaume Radio 2.0 avec Guillaume Play. Comment vous le décrire? T'es un gros nul, t'as des petites bites et des couilles ridicules. Voilà. De 22h à minuit sur Énergie. Allez, 22h à minuit sur Énergie. Salut à Aristide de l'Espagne, à Guillaume Rixovis. Salut à Thomas Charbonnel aussi. Bonsoir à tout le monde. On est en direct. Il est 22h50. Il y a eu quoi, je suis un stagiaire, parce qu'on peut pas dire de résultats sportifs. Match. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, Flo Décadeau? T'as pas vu un truc dans l'actu de ouf là? Si, il y a eu un tremblement de terre en Turquie et en Grèce. Ah voilà, bon, c'est pour vous prouver qu'on est vraiment en direct. Il y a beaucoup d'émissions enregistrées, tout ça. Anne-Elisabeth Lehmann va remplacer Anne-Sophie Pix. Voilà. Sur quoi? Sur C'est à vous, voilà. France 5. Bah les couilles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Flo Décadeau? Si, il y a la nouvelle Xbox qui a été annoncée. Ah ouais, Xbox X. Ouais, Xbox aujourd'hui, X. Xbox X, quoi. Qui est plus puissante que la PS4. Bah heureusement, parce que c'est la sorte de 3 ans après. Et puis elle coûte plus cher. Pierre Palmade aussi, il a dit que il a dit qu'il n'y avait rien du tout. Ouais, il a pas été cool. Non, mais si, en fait, c'est pas méchant, je crois, non? Je crois juste qu'il a dit qu'il s'amusait moins avec la nouvelle génération. Il est un peu blasé là. Avec ses potes avant. Ouais, et que là, pareil. Ça parle que de foot dans les vestiaires. Il dit qu'il aime beaucoup. Hein. Et il dit qu'il a l'impression de faire un débris de base. On l'embrasse, MP. Super sympa, Matt. Bisous. N'empêche, JM du standard Santé Loupe, je t'imagine avec une gueule à facial. C'est vrai, c'est il n'entend pas là, il est en train d'appeler. C'était drôle. Putain, la vache. Il est violent. Santé Loupe. Attends, Flo, appelle-le JM du standard là. Il y a Cédric du 53 qui dit Santé Loupe, je t'imagine avec une gueule à facial. Oh non. c'est glamour. Franchement, il est violent. Ah, grave. Alors, on va parler dans deux minutes avec toi, Shams, des avances au boulot. Shams qui est maître nageur et qui se fait draguer à longueur de journée et tout ça. On va retrouver Pierre, on va retrouver Katoun aussi de Marseille. Tu m'entends, Katoun? Ouais, je t'entends, Guillaume. Ouais. Salut. Salut. Salut, Katoun. Ok. Salut, Katounette. T'appelles de Marseille même ou à côté? Non, je suis à Marseille, dans le 13e. Ouais, dans le 13e. Ok, très bien. Eh ben, vas-y, enchanté, voilà. Katoun. Tu travailles où, Katoun? Enchanté. Moi, station Total sur l'autoroute. Ah, putain, c'est... Tu vas nous raconter... Total de la pomme. Ah, tu vas nous raconter les manières un peu sales dans lesquelles tu te fais chauffer et tout par des mecs dégueulasses. dans deux minutes, Fares de Barbès, notre stagiaire qui est là pendant quelques semaines. Ça va, Fares de Barbès? T'as dit bonsoir. Ça va et toi? Salut tout le monde, salut Guillaume. Ça va bien? Et là, il s'est mis sur son trottinette. Ah ouais, exactement. Bah, on va jouer le jeu au max. Hein. Il a tout donné là. Ah bah oui. Je veux dire, vraiment. Non mais là, on sent, il a accroché sa chemise jusqu'en haut. Attends, c'est bien. Dans deux minutes, Fares de Barbès. Ouais. Je compte sur toi. Yes. Tu vas nous faire une cérémonie où tu vas remettre les prix du pire bug, du pire machin, du pire truc. Ouais, il a bossé tout le week-end, il va nous montrer ce que ça donne. Vous bougez pas dans 30 secondes, on se retrouve avec Katoun de Marseille. Il y a vraiment 30 secondes de pub et on se retrouve juste après ça. Ça s'est passé chez Koé sur Énergie. Bonjour. Welcome the public, Katy Perry, Katy Perry le public. Hello. Is it okay for you? This is all good for me. Energy, thank you so much. Oh là là. Merci beaucoup. 19h, 22h. Sur Énergie. Une légende va renaître. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais c'est resté bien caché pendant 2000 ans. Et celui qui l'a ramené à la vie, c'est lui. Vous avez été choisi. Par quoi? Le mal suprême. La momie, avec Tom Cruise, plongé dans le mystère et l'aventure. À cause de ce que vous avez fait, cette force ancestrale s'est réveillée. La momie, le 14 juin en cinéma, avec Énergie. Partez en week-end à Barcelone, grâce au Hit Énergie, Odyssée. Just come and fly with me. Écoutez Énergie tout le temps. Dès que vous entendez Odyssée, chassanez-le. Et gagnez votre week-end à Barcelone. It's music only. Cherchez l'âme sœur, faire fortune, trouver le bonheur. Un conseil? Flou au 7212. Ne t'inquiète plus, tout ira bien. Envoie Flou au 7212. Nos experts seront là pour lever le voile sur ce qui te tracasse. Plus de poids sur le cœur, plus de peur. Flou, F-L-O-U, au 7212. Tu connaîtras enfin le soulagement d'avoir les réponses à tes questions. Envoie Flou au 7212. Prends ton destin en main. Flou au 7212. 65 centimes plus prix du SMS, Énergie. De 22h à minuit sur Énergie. C'est Guillaume Radio 2.0. Allez, de retour là sur Énergie. Bonne soirée, on est en direct 22h54. C'est Guillaume Radio 2.0. Shams se racle la gorge. Okay. Au standard, les avances au boulot et les maîtres nageurs, il se fait draguer de partout. Il y avait Katoun aussi. Ensuite, on se fait Fares de Barbès, notre stagiaire qui est là pendant quelques semaines, qui va nous faire la remise des prix, des pires bugs de la semaine, des pires blagues, des plus gros blancs. On va faire ça dans deux secondes. Mais d'abord, Katoun, t'appelles de Marseille, t'es vendeuse de fringues, c'est ça? Ah non, mais non, tu travailles à la station mentale de la pomme. Excusez-moi. Je suis défoncé, je me rappelle plus rien. On est où là? On est sur Fun Radio, sur RTL 2, sur RTL, je sais plus où on est. Je sais plus. Je suis démonté, Guillaume. J'ai mis un verre de Schweppes. What else, Guillaume? Je mélange tout. Ah ouais, putain. Katoun, Katoun, adepte du SM, toi, sadomasochisme sale. Tu adores te coudre ouais, la foufoune. Sale. Ah, la j'adore te coudre la foufoune avec des aiguilles à tricoter. De... Oh, c'est tricot. Non, non, mais. Attends, c'est pas grave. Des trucs comme ça, quoi. J'aime bien faire flac aux mecs pour leur dire d'avancer. Enfin, j'adore me coller les paupières, Guillaume. Ah, avec de la cire. Je me fais des sévices sales, Guillaume. Je me décolle les ongles avec une pince. Ah, ah, j'ai mal. Ouais. J'adore le sexe hard, Guillaume. Me rentre une barre de métro dans la chatte. Oh. J'aime quand c'est sale. Ah bah là, ouais. Oh là, là. J'ai un pot de microbes, Guillaume. Mm. Le CNRS va m'emmener dans une pièce fermée pour faire une étude, Guillaume. Oui. Je m'appelle Katoun, Guillaume. Dans Katoun, il y a Choul, Guillaume. Oh. Alors, non, c'est bien. Et alors, donc, tu travailles à Total et tout, et qu'est-ce qui se passe ouais. Alors, donc, tu te fais draguer par tous les. T'es comment physiquement quand t'imagines, genre, t'as les cheveux moi roses? Je suis petite, un peu musclée. J'ai un côté des cheveux rasés, l'autre côté en carré plongeant, un peu comme décoloré. Rihanna. Je suis trapu, Guillaume. Ouais, comme Rihanna, mais en version teufeuse, quoi. En version quoi? Teufeuse. Ouais, en teufeuse. Ah ouais, je fais la teuf. Bah, c'est bien, c'est bien. Vas-y, bah, vive les teufeurs. Ouais. Hein, t'as raison. Et moi, hein. Tu m'imagines pas. Bah toi en fait j'en ai rien à branler. Non mais c'est vrai, c'est marrant que tu me le demandes ça, parce ouais. Que c'est vrai que ça m'avait pas marqué. Non mais oui, comptais tellement pas te demander. Non mais en fait c'est vrai, Flo des cadeaux s'il te plaît. Pardon. Respect chat, t'as rien demandé. Laisse-moi faire, toi c'est déplacé direct. Hein, moi ça passe mais lui ça passe pas. Tu vois. Bon, je rigole, lui il rigole pas, c'est le problème. Tu vois. Tu sais quand même Flo Decado, je l'ai rencontré, il se faisait arrêter par là-bas, que c'est un frotteur du métro. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Mais j'ai arrêté. Il avait fait un système, il passait sa main dans son, oh. Son truc. Alors attends, juste Shams, non, sans blague, bien sûr. Tu veux nous dire comment t'es, tu ressembles à quoi Shams? Vas-y, on t'écoute, non, on t'écoute. Alors, non, bah vas-y, 1m80, bras, yeux noirs. Voilà, tu vois. Classique. Bah, tu vois, bah, avant comme après, on s'en bat toujours les couilles. Voilà. Ça n'a pas évolué. C'est un bon dépistage, ça, merci. Non, mais je plaisante, attends, tu rigoles ou quoi? Bien sûr, ça fait plaisir. Merci d'appeler, Shams, en tout cas. Non, mais sans blague, en plus, t'es un mec sympa et tout, on a bien rigolé avec toi, quoi. Ouais, pas de soucis. On a parlé de ton métier, maître ménageur, jeu ouais. Et tout, et puis maintenant, il est temps de partir. Quoi, métiers, ouais. Il est temps de partir, donc on va te montrer la sortie, c'est le bouton rouge sur ton téléphone. À bientôt. T'appuies sur le bouton rouge, mon Shamsou, et puis voilà, puis on se dit à bientôt. Hein. Voilà. Allez, à bientôt. Voilà. Non, mais je plaisante. Non, non, je plaisante. En plus, Shams, tu veux rester avec nous pour le couille ou pas couille? Bah oui, pourquoi pas. Voilà. Non, non, c'est pas une réponse que tu dois me faire. Non, tu peux dire pourquoi pas quand t'es sur RTL2 ou sur Fun Radio. Avec moi, quand t'es avec moi, tu dis avec plaisir, Guillaume, ça défonce. Avec plaisir, Guillaume. Ah bah, le couille ou pas couille, c'est quand même une institution, Guillaume. Ouais. Alors, c'est un gros jeu. Hein. Ah, je veux bien y rester deux jours, mais. Voilà. Putain, j'arrive plus à trouver CD, sa mère. Putain, je cherche Harry Style là, mes couilles, putain, je trouve pas, quoi. Bon, il s'est caché. Attends, excusez-moi, hein. Harry Style, il s'est caché avec sa touffe là. Attends, je trouve plus scellé, bordel. Putain, c'est con quand même. 75-37, Guillaume. 75-37, Guillaume. Voilà, ça marche pas. Ah merde. Jason Derulo. Mais dans un autre, Pierre. Attends, mais je voulais passer de nouveau. Je voulais passer. Et Luis Fonsi, c'est pas grave. Il est bien, Luis Fonsi aussi. Ah ouais. On se fera Despacito. C'est un peu latino. Voilà, Despacito, ça. C'est bon. Voilà, on se cale du gros hit, mon gars. Hein, hein mon gars, Shams. Yes, yes, Despacito. Mon grand brin d'1m80. Alors, Katoun, toi, t'étais rasé d'un côté, coupé en pétard de l'autre. Il y a de la préférence. Je suis pas une femme, c'est pour ça. Non, mais si, mais si tu veux, moi, j'ai fait pas l'émission pour moi, mon gars. Sinon, je serais nu dans une pièce dans le noir. Come and fly with me. On va écouter Odyssée. On va s'écouter ça, c'est un des plus gros hits du moment. On va se l'écouter en entier après. Bon, et on se fera Justin Bieber, il y en a qui me le demandent depuis tout à l'heure. T'inquiète, j'ai vu ton message, frérot. Et l'émission, je la fais en direct avec mon écran des SMS. Donc vous envoyez un texto, je le lis, les potos. Hein. Guillaume et le message aussi, 611. Bon courage d'ailleurs pour le bac et tout. Demain, il y en a qui ont des épreuves et bonne tout chance, ça. Ouais. Ouais, j'ai vu là, les textos. Ok. Bon courage les gars, on est en direct, hein. On est le combien? Le 12 déjà. Putain, ouais, il est 22h59 et 50 secondes. Shams est là, Katoun aussi. Alors comment tu te fais draguer de manière sale avant de se faire l'énigme aussi? Alors, de manière sale, ben, nous, quand on travaille en station-service, là, c'est cracra. Hein. On doit nettoyer les toilettes aussi. Ouais, bah ouais, ouais. Mais... Et moi, je fous le chariot devant la porte pour pas que les gens y rentrent dedans pendant que je l'ai fait. Ouais. Et il y a un gars avec qui je discutais de temps en temps. Il était avec sa cougar, là, et tout. Ouais. Et puis, il me parle. Et puis, moi, je tchatche avec tout le monde normal. Et, c'est une vendeuse, quoi. Je tchatche, je suis sympa. Et le gars, il vient un jour dans les toilettes, tout, il me vient et il me dit, ouais, tu veux pas qu'on sorte, qu'on aille boire un verre ensemble, tout ça, machin. Je lui dis, non, il n'y a pas de... enfin, je peux pas, moi j'ai un mec, j'ai pas envie. Puis, non, il dit, ouais, messieurs, allez, viens, on va boire un coup, machin. Mais moi, je suis en train de nettoyer les toilettes. Je lui dis, t'as un problème, je suis en train de nettoyer des urinoirs, gars. C'est des gants latex et tout. Je sais pas, c'est peut-être des gants latex qui l'ont inspiré, quoi. Ouais. Bah, non, mais non, mais après, mais se prendre un watt dans le cul avec des gants latex, bah, ça rend bien. J'ai jamais fait de mal à personne. Hein. Le latex, ouais, c'était pour ça. Vous l'aurez à 50 ans, hein, pour la prostate. Hein. Ouais, mais même. Moi, j'ai déjà eu, bien sûr, j'ai appris un watt dans le cul avec un gros latex, bah bien sûr. Non, je te crois pas. Si, j'ai mais ça, non, tu rigoles. Mais si, il a déjà dit. Non. Mais bien sûr, mais si, c'est touché, non, mais dans le cul. Mais bien sûr, non. Mais bien sûr, ah ouais, mais j'ai dit 100 fois. Mais oui, les doigts dans le cul. Mais tu rigoles quand tu le dis. Franchement, j'ai dû prendre tout pareil dans le cul. Non, je prêche le faux pour voir jusqu'où j'ai. T'as jamais fait. Non, si, j'ai déjà pris. Bien sûr, j'ai déjà dit. Ah, médicalement. Médicalement et pas que médicalement. Mais genre un petit bout de doigt dans le cul. Mais je te prends pas du tout. Mais tu plaisantes ou pas? À un moment donné, tu m'as dit que tu prenais autre chose, tu te rappelles? Bah ouais. Le god, mais là, tu me. Non, mais en fait, je vous explique. Il m'a fait marcher. J'ai un stagiaire. Attends. J'ai jamais dit que je l'avais pas fait. Mais non. En fait, j'ai un stagiaire. Le problème, c'est que j'ai remarqué un truc. Il dit qu'il a pas fait un truc et quand tu dis que t'as déjà fait, il fait ah bah moi aussi une fois j'ai essayé. Mais je suis renchéri pas. Et en fait, plus tu lui dis, et donc j'essaye de voir jusqu'où il est prêt. Donc parfois, j'ai fait croire que je tente des trucs de fou et tout. Bah oui. Bien sûr. Mais le god, c'est faux alors. Je crois pas que j'ai essayé god ceinture. Il y a un clin d'œil là, je l'ai vu. Non, mais pas du tout. Mais chacun sa sexualité. T'es fait sodomiser par un god. Mais par un énorme god. Ouais, je te crois pas du tout. Gros modèle. J'ai essayé, toi jamais? Jamais. J'arriverai à lui faire dire. Non, c'est faux. Ça va prendre un peu de temps, mais on va y arriver. T'inquiète, non. Et là, et Katoun, donc tu te fais draguer par des mecs. Ouais, ça m'étonne pas après. En plus, si t'as un petit côté un peu grunge, sale, j'adore. Moi. Un peu rasé, ouais. Non, mais il y a des, gens un peu les comme ça, c'est, ça fait un peu chagasse, quoi. Ça fait un peu chagasse de club échangiste, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, on dirait que j'aime trop la top, quoi. Et je me fais tout le temps draguer, ça. Non, mais c'est clair. Non, mais attends. Non, mais j'adore, moi. C'est... En fait, ça pue le cul, quoi. Quand t'es rasé d'un côté, bah ouais, envie de. T'sais, ça fait c'est un ça bon délire, libéré, quoi. Ouais, j'adore, moi. Non, j'adore. Et t'es jamais dans un club échangiste, Katoun? Non, jamais. Attends. T'aurais pu, qu'est-ce qu'il y a, Flo, des cadeaux? Non, mais on était tombé sur une meuf qui bossait dans une station service. Ouais. Qui couchait avec plein de routiers. Elle était connue par tous les routiers. Ouais, exactement. Et elle était juste à Weimar, vers Weimar, au nord sur de la Paris. 1. Tout le monde s'arrêtait. En direction de Lille. D'ailleurs, moi aussi, je m'arrête maintenant. Mais on la cherche. Non, mais en plus, t'es hyper connue. C'est, bien sûr. Et c'est pas une blague. Je m'arrête et j'ai essayé plusieurs fois de la voir. Apparemment, c'est une blonde aux yeux bleus qui est magnifique. Ouais. Et j'ai jamais vu une blonde aux yeux bleus magnifique là-bas. Voilà. Et dommage. Alors, en tout cas, Katoun marseillaise. Katoun. T'as pas de déviance un peu sexuelle avant qu'on fasse Fares de Barbès, il va nous faire écouter les sons, notre stagiaire, pendant quelques jours. Il t'est pas arrivé, toi et Katoun, t'as pas un délire sexuel un peu comme moi, le god ceinture, les deux. Truc original. Non, le god ceinture, je crois pas que mon mec il serait d'accord et tout, mais je sais pas, j'aime bien faire du sexe dans la forêt, quoi, tranquille, à l'air libre et tout. Tu sais, ah bah ouais, bah ouais, cool. Les insectes, hein. Bah bien sûr, l'amour la est dans le bah, pourquoi aller les sangliers. Dans les hôtels, alors qu'il y a la forêt, quoi. Top, hein. Mais c'est vrai. Ah, moi, j'aime pas faire l'amour dehors. Ça dépend où. Non, après chacun. Dans la forêt, non. Et bah, moi, je trouve pas que. Je trouve qu'une meuf, c'est plus beau en lumière artificielle. Bah dehors, il y a de la lumière. Non, mais ça m'excite plus le soir, dans le lit. Photoshopper. Non, pas du tout, mais avec une lumière un peu tamisée. Ah non. Moi, ça m'excite plus d'y aller sale qu'en plein après-midi avec le soleil dans la gueule. Non, mais ça change dehors, ça qui est bien. Et la transpiration. J'ai un stagiaire, toi, t'es du genre à faire l'amour dehors? Bah quand je peux, ouais, parce que le lit c'est toujours pareil, tu vois, le matelas, les positions sont toujours les mêmes, tu vois. Alors dans une piscine ça peut être bien, dans une cage d'escalier ça peut être bien, sur un banc ça peut être bien, tu vois. Dans une cage d'escalier, moi franchement ça me fait pas bander. Ah bah si. Franchement j'aime bien, moi. Dans le train ça peut être bon. Dans le train, ouais. Ah ouais, dans le train. Ah ouais. Dans les toilettes du train. Ouais, mais bon. En fait. Ah non, pas les toilettes du train, dans les petites cabines du train. Mais moi, dans les toilettes d'énergie, je m'en branle. Moi, si un jour je suis excité par une meuf, je peux faire l'amour avec. Mais... Ici, ouais. Hier, j'étais dans les couloirs de énergie, j'ai vu JM mettre sa main avec un grand latex dans le cul du stagiaire. Oh, non, non. On va se faire soprano après. Soprano, cordonnier, Shams, Katoun, j'ai besoin de votre avis, les potos. Adrien, 13 ans, de Boulogne-Billancourt. Bonsoir, Adrien, aussi. Ok. Adrien. Salut, ça va? Ça va, mon coup? Hey, tu vas lâcher l'énigme, frérot, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vas-y, bah, installe-toi, mets-toi dans le canapé. Okay, mets-toi dans le canapé virtuel. Il y a Fabien, Pierre et Mathieu. Vous m'entendez aussi au standard ou pas? Ouais. Alors, et salut les ouais. poulets. Alors, il y a du monde de partout. Pierre, Mathieu, Katoun, Fabien, Shams et Adrien. Vous êtes 6 là. J'aimerais bien que vous me donniez votre avis. Il y a Fares de Barbès, notre ouais. stagiaire qui est là pendant quelques jours. C'est ça. Et que vous me donniez votre avis. Qu'est-ce que tu vas faire, Fares de Barbès? C'est quoi le concept aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, en fait, c'est la cérémonie de la semaine. J'ai regroupé en fait toutes les émissions de la semaine dernière et j'ai repris tous les extraits. Donc, les plus gros bugs, les meilleures blagues, les pires blancs, enfin tout. Ouais, tout les pires. Voilà. Ouais, les pires. Exactement. T'inquiète, je peux pas être tout week-end. Tranquille, Fares, n'en fais pas trop, parle normalement. Le crooner. Ah, il parle, il parle. Comme ça, ah ouais. De ouf, je sais pas ce qu'il lui a pris. Je sais pas pourquoi. Je suis pas trop Sébastien, Joe. T'inquiète, je vais sortir de la GoCube. À part tourner sérieux, Joe. Eh, hey, parle normalement, Fares. Mais parle normalement, regarde, mais là, j'ai pas ta voix, là, dans la vraie vie. Je sais pas, moi, je parle normal. Non, non. Je sais pas, c'est quoi, je m'écoute grave. Eh, Johnny Hallyday, tranquille, t'as une voix plus aiguë, que plus grave que nous tous réunis. Parle normalement, regarde, parle un peu plus haut, parle un peu plus dans les aigus. Ok. Non, mais non, là, regarde, là. Moi aussi je peux faire ça. Je vous ai la grosse voix. Les meilleurs. T'inquiète pas, Guillaume. Je t'ai fait une sélection. Sélectionné par moi-même, Guillaume. Attends, on dirait Ardisson. Attends, mais c'est clair. Où est Jimmy Chef? Ah, Guillaume, c'est le thé qui doit, Guillaume. Donc tu vas découvrir une personne. Non, non, attends. Non, pas normalement. Moi, je veux que tu deviennes bon en radio. Il est venu quelques jours chez nous. C'est depuis qu'il a 12 ans, il vient en bas de la radio. Ouais. Moi, je veux que tu repartes, que tu es super frais, toi. Je veux pas être ensemble un animateur de fun radio quoi. Donc je veux que tu parles normalement, ok, okay. Tu parles non, parle normalement, regarde comme tu me parles dans la vie, regarde, je parle normalement là. Bah oui, mais moi aussi je parle normalement. Moi aussi je parle normalement, Guillaume. Ok. Je t'ai sélectionné le best du best. Je t'ai fait un maxi best ouf, Guillaume. Je suis bloqué dans les années 80, Guillaume. Non, t'es pas encore naturel là. Tu vas l'être hein, parce que t'es très très bon, Fares. Je crois beaucoup en toi, mais plus naturel, j'aime okay. le standard. Je crois que c'est parce que t'as la voix cassée, non? Ouais, un peu, ouais. Voilà, ouais, j'ai un peu la voix cassée. Ouais. Pourquoi t'as la voix cassée? Parce que je sais pas, j'ai pris froid ce mais week-end. Prends un café, tu veux un café? Ouais, non, en plus c'est gratuit. Ah oui, je vais te chercher. Ouais, non, mais vrai, pas, j'en ai pris pas, déjà 12. Pas un peu moins. Ouais. Là, on a l'impression que tu nous chuchotes à l'oreille, okay. J'ai envie de reculer de la radio là. Ok. Pas normalement. Non, vraiment, c'est pour toi. Sabrina, non, le début. Ouais, c'est clair. Soit comme t'es dans la vie, t'es naturel, ouais. t'inquiète. Gères et tout. Donc, okay. Vas-y. T'inquiète. Ouais, vraiment. En plus, il n'y a aucun stress à avoir. Je sais. S'il faut, la chronique a duré 2 heures. Donc, tant que c'est pas parfait, on continue. Je veux dire, on n'a pas terminé. Alors, vas-y, tu vas faire un best-of. Voilà. On va se refaire de la semaine, les pires moments, les meilleurs. Enfin, c'est quoi? C'est que les pires, hein. C'est que des galères, tu vois. Ouais, non, pas forcément. Il y a les meilleures blagues aussi, par exemple. Voilà. Les meilleures blagues, les pires blagues. Alors, j'ai pris quoi d'autre? Mais après, c'est des catégories différentes, en fait, selon les semaines. Je change des catégories, donc. Ok. Ouais. J'évolue, Guillaume. J'évolue dans le time. Madame. On commence ici, on finit là. Je suis un caméléon, moi. Je m'adapte. Chacun mais Léon. Allez, il y a Jeff Panacoc qui arrive. Jeff Panacoc, fais-nous rire. Allez, c'est énorme. Merci d'être la Miss France. Jeff Panacoc. Imitateur de Patrick Sébastien Mondial, t'es magnifique. Alors vas-y, qu'est-ce que c'est le premier extrait? Vas-y. Alors le premier extrait, c'est la catégorie du bug de la semaine. Les nominés sont Flo des cadeaux et Sabrina la nouvelle. Ah très bien. Voilà. Alors donc dimanche dernier, il y a eu. Bug. Ouais, c'est ça. Dimanche dernier, alors Sabrina la nouvelle de l'équipe. En gros, on parlait des plus beaux cadeaux et elle a répondu ça. Salut Guillaume, salut tout le monde. Ça va la journée, ouais. Ouais, ça va tranquille. Dégoûté d'être pas venu. Mais où? Je crois que c'était moi là. Ouais, là c'est drôle. c'est ça. Et maintenant, le Sabrina. Ouais, voilà, c'est ça. Sabrina, en gros, on était en train de parler des plus beaux cadeaux et du coup, voilà, elle a. Moi, ça. Je pense que c'était une lettre que ma maman, j'arrive pas à parler. Oh, ça va. Ah, c'était gentil, ouais. Non, ça va. Et taquin. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, alors la deuxième, alors j'ai pris les catégories, donc la phrase la plus cash de la semaine. Ouais. Elle est nominée, c'est Flo des cadeaux, encore une fois. Merci beaucoup. Toi-même, Guillaume. Ah, très bien. Voilà, alors, donc lundi dernier, on était en train de parler de nos catégories préférées des sites porno et en gros Flo des cadeaux, il a répondu ça. Moi c'est les latinas, ouais. J'adore les latinas avec leurs gros boules. Ouais. Alors, par contre, juste un truc, t'as pas pris les bons extraits. T'as pris les extraits déjà traités. Ah ouais. Et du coup, ça les retraite. La régie m'a dit ça exactement, mais en fait, c'était trop tard. Donc. C'était trop tard pour les changer. Désolé. Mais c'est pas grave. Il commence, hein. Donc, ouais. Il commence, mais ça fait chier quand même. Il y a personne qui t'a prévenu avant. Je veux dire, personne t'a dit. Si, Guigui me l'a dit, mais en fait, c'était trop tard. Il aurait peut-être pu te le dire avant que je travaille. Alors, vas-y. L'autre phrase cache, c'est quoi du coup? C'est toi. Et on parlait en fait des filles connues, pardon, qu'on trouve belles. Et t'as dit ça. On est d'accord aussi pour Ariana Grande. C'est mon fantasme. Elle est parfaite. Ah ouais, mais moi Ariana Grande, je la casse. Elle est super belle. C'est vrai, on parle comme ça. Non mais en fait c'est ça. En fait c'est que t'oublies à la fin. Ah, je vous le dis, moi j'oublie. Je vous le dis, on fait de la radio ensemble, Katoun, Pierrot, Mathieu là, Fabien et Cham, c'est Adrien. J'oublie complètement, je suis à l'antenne, je suis à la maison. On est trop à l'aise. Et en fait, le problème, c'est qu'on oublie que vous êtes 1 million et que quand on dit Ariana Grande, je la casse en deux, il y a la maison de disques. Les maisons de disques. Ah bah, Cham, tu la casses en deux aussi, on est d'accord. Ah ouais, elle est magnifique. Non, mais moi, je me marie avec. Hein, ça, oui. Ah, ouais. Mais je sais pas si c'est une meuf à marier, ça. Je crois non, que c'est. Non, non. Mais elle est en couple, là. Et non, mais on s'en branle de ça. Enfin, non, mais c'est... Ouais, okay. L'autre, il prend au premier degré tout ce qu'on dit. On sait tous les plus gros hits, mais c'est même taille que les autres, Guillaume Lévy. Je prends pas le... Attends. C'est vrai qu'il n'y a pas second degré du tout, c'est... Alors vas-y, qu'est-ce que t'as d'autre? Alors la catégorie du meilleur et de la pire blague de la semaine est bien évidemment donc JM du standard sans surprise. Avec plaisir. Voilà, alors, et le deuxième c'est quoi? Mardi dernier, alors c'était... Ouais c'est les mêmes, hein, c'est ensemble, meilleur et pire. Ah alors, d'accord, okay, voilà, il a fait les deux, JM. Ouais voilà, ensemble. Alors oui, il était dans les deux. Donc mardi dernier, on était en train de... Donc on a fait la spéciale militaire là en public, et on allait faire le chant militaire qui s'appelle Tiens voilà du boudin, et bah voilà. Je chante au moment où t'es à table en fait. Oui, exactement. Ah ouais, c'est quand après, il passe je sais pas exactement en fait quand est-ce que tu le chantes, mais je crois que c'est quand tu manges du boudin. Celle-là c'était la pire blague. Et la meilleure blague c'est quoi? Et la meilleure, il l'a fait en plus 2 secondes après, donc c'est bête que t'aies fait la pire avant. En gros, c'était on est allé faire un autre chant militaire qui s'appelle les cailloux, et cette fois-ci elle était bien. Tout à l'heure, donc on avait chanté le boudin, et après avec tout le public, on va essayer de chanter les cailloux. C'est le chant des commandos. C'est les cailloux qui partent à la guerre et tout, le chant des cailloux. Tiens, bon, il y a des cailloux. Il est encore en train de rigoler. Ouais, c'est un peu. C'est la meilleure. Là, c'est pas la meilleure. Là, c'est pas. Elle m'a fait rire. Alors, vas-y. Et un petit dernier. Voilà. Alors, donc la catégorie de plus beau chant de la semaine. En gros, j'ai compris vraiment que le. Alors, ridicule... c'est pas français ta catégorie. Hein. La catégorie de plus beau chant. Le plus beau chant de la semaine. Ah, la catégorie du plus beau. Du chant. Plus beau chant de la semaine. En gros, j'ai vraiment compris que la phrase le ridicule ne tue pas. En fait, ça existe vraiment parce que, écoutez, j'ai. Parce qu'on disait qu'il sera les meilleurs rebeux, faire une musique en mode qui sera meilleur rebeux, et JM du standard, et voilà. Et là, il a essayé. Alors, qu'est-ce que c'est le dernier truc? Alors, bon, je vais prendre un autre, alors, dans ce cas-là. Alors, c'est le. Hop, je vais prendre la sixième. Vas-y. Gros, c'était la catégorie, pardon, de la faute de français de la semaine. Du coup, c'est Julien le stagiaire qui l'a fait. Oh non! Non, mais un petit côté féminin. Ah, mais moi, j'assume que la fille m'invite au resto, me fait des cadeaux. Moi, j'aime bien. Hein. Me fasse des cadeaux. Ça va. Alors que la plus grosse faute de français, ça reste quand même Farès de Barbès qui C'est dingue. Je voulais pas me mettre dedans. Merci beaucoup, Farès de Barbès. Bah, t'aurais dû, ça aurait été marrant. C'est vrai. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Des trucs jeudi avec des bons plans pour économiser de l'oseille et tout. On va retrouver Katoun, on va retrouver tout le monde. On va se faire l'énigme aussi dans 2 minutes. J'aimerais bien que tu lâches l'énigme, Adrien, au standard. Tu viens de Boulogne-Billancourt. Ouais, c'est ça. Tu viens du 92, représente. T'as prévenu des potes que tu passais ou pas encore? Non, j'ai prévenu, mais ils peuvent pas être là donc. Ah, c'est vrai, pourquoi? Bah, je sais pas, ils ont autre chose à foutre. Oh les putes. Oh là là. Attends, y'a pas un mec de ta classe qui est branché là, sérieux? Non, mais attends, peut-être que tu sais pas aussi. Ou alors, peut-être pas tes potes, mais y'en a forcément. C'est chelou, hein. Y'a des mecs de toutes les classes. C'est vrai, t'es en quelle classe, dans quel bahut? 5ème B, collège Jacqueline Auriol. Attends, 5ème D ou B? B. B comme Bernard. 5ème B. 5ème B, collège Auriol à Boulogne. C'est ça. Alors, les gars, s'il y a un mec de 5ème B ou une fille, vous m'envoyez Guillaume, un espace et votre nom et votre prénom au 6-11-12. Et je vous jure, je vais y aller à l'antenne tout de suite. Là. Pour vous prouver qu'il y a du monde dans sa classe et tout ça. Pour lui faire fermer sa gueule. Adrien, on va donner une énigme, mon poteau, de 6 phrases. Ouais. On va envoyer Guillaume et la bonne réponse au 6-11-12. On va se chercher dans 2 minutes la Starac Energy. 2 d'entre vous qui allez venir chanter. Il faudra voter pour le meilleur dans 2 secondes. Et on fera le couille ou pas couille aussi spécial soir. Ouais. soirée. Toute l'équipe va raconter des histoires de soirée. Il faudra deviner qui raconte une vraie histoire ou qui ment. On va parler des doigts dans le cul aussi, du plaisir anal, etc. C'est important, non, mais c'est un vrai sujet intéressant. Bah oui, oui. Et on s'écoutera de nouveautés, là, Odyssée. Oh, come and fly with me. Ça tout à l'heure, là. Odyssée, Fly. Adrien de Boulogne, qui est là, ouais, 13 ans, et tu voulais réagir donc pour les doigts dans les fesses et tout. On t'écoute, moi, Adrien. Toi, tu en mets donc. Non, c'était plutôt pour l'énigme. Ah, c'est pour l'énigme. Bon. Je vais remettre la petite musique de fond. Guillaume, un espace. Vous marquez bien Guillaume au début pour qu'il arrive dans mon écran d'ordinateur. Un espace obligatoire. Hein. Même si vous marquez le bon numéro, ça n'arrivera pas dans mon studio si vous marquez pas Guillaume au début. Guillaume, non, il n'y a pas de PS4. Et votre histoire au 6 11 12. Adrien, je n'entends plus ce que tu dis. Quand tu me demandes des cadeaux, j'ai un filtre. Avant de s'écouter Harry Style, Louis Fonsi, Justin Bieber, 2 milliards de vues sur YouTube. On va l'écouter dans 2 secondes, 23h15. Guillaume, et vous mettez un espace, ensuite le mot que vous pensez avoir trouvé de l'énigme. Vous rajoutez votre numéro de téléphone dedans. Au 6 11 12. Guillaume, un espace, le mot et votre numéro de téléphone au 6 11 12. On vous offre une tablette Samsung, un overboard, une montre Samsung Gear S2, une PS4 Pro. Voilà, 4 cadeaux à vous offrir, il faut essayer de trouver la bonne réponse. Guillaume et la réponse au 612. On t'écoute, Adrien, quand tu veux. Ouais. Ceux de puce sont tout petits. Ceux de puce sont tout petits. Guillaume, donc, est le mot au 612 si vous avez trouvé. Allez-y maintenant. Pour gagner des cadeaux, on vous file plein de trucs. Maurice, 36 ans, je suis dans sa classe, c'est moi qui dis. Guillaume est la bonne réponse au 612. Est-ce que ça serait. Ceux de puces sont tout petits. Est-ce que ça serait un marché? Eh non. Un marché aux puces, c'est pas ça. Ceux de puces sont tout petits. Un cirque. Réessaye encore. Il y en a qui dit une pâte. Non. Est-ce que ce serait une piqûre? C'est pas ça. Guillaume et le mot au 612. Est-ce que ça serait une arme? Retente ta chance. Est-ce que t'aurais une deuxième phrase? Oui. À cheval, on en fait d'obstacles. À cheval, on en fait d'obstacles. Guillaume, donc, et le mot au 612. Ceux de puce sont tout petits. À cheval, on en fait d'obstacles. Ceux de puce sont tout petits. À cheval, on en fait d'obstacles. Qui suis-je? Guillaume, donc, et le mot avec votre numéro de téléphone dedans au 611-12. Une piqûre? Non. À cheval, encore. On en fait d'obstacles. Des yeux? Non. Il y en a qui dit un bébé. Essaye. Est-ce que ça serait une épreuve? Non, toujours Guillaume pas. Et la réponse aussi 112. Est-ce que c'est du pain? Réessaye. Est-ce que ça serait un mini? Pas du tout. 06 81 93 01. Guillaume donc et la bonne réponse aussi 612. Ceux de puce sont tout petits. À cheval, on en fait d'obstacles. Troisième phrase, qu'est-ce que c'est? Les périlleux se font en gym. Les périlleux, les se font en gym. Guillaume et le mot au 612. Une haie. C'est pas ça. Est-ce que ça serait une jument ou le tiercé? Est-ce que ça serait une figure? Non. Guillaume et le mot avec votre numéro au 612. Est-ce que ça serait une flèche? Toujours pas. Non, c'est pas une flèche non plus. Et qu'est-ce que c'est, les mecs? Est-ce que ce sera un bouton par texto là qui vient d'arriver? Toujours pas ça. Ceux de puce sont tout petits. À cheval, on en fait d'obstacles. Les périlleux se font en gym. Guillaume, non, qui a le mot au 612. Il y a des PS4 Pro, il y a des tablettes, il y a des overboards, il y a des montres connectées aussi. On vous file plein de trucs. Là, Guillaume est la bonne réponse au 612. Quatrième phrase, qu'est-ce que c'est là? Il faut être dans un avion pour en faire un en parachute. Il faut. Il faut être dans un avion pour en faire un en parachute. Il faut être dans un avion pour faire un hou en parachute. Les hou périlleux se font en gym. À cheval, on fait un hou d'obstacle. Ceux de puce, les hou puce sont tout petits. Guillaume, le mot aussi sont. Les gars, allez donner. Est-ce que ce sera un œuf qui vient d'arriver par texto là? Toujours pas. 06 13 46 21. Je suis désolé, il y a deux œufs qui viennent d'arriver. 06 59 57 87. Voilà, deux œufs qui viennent d'arriver en même temps. Guillaume, est-ce que ce serait la carte? Non. 06 41 19 85, qui suis-je? Est-ce que ce serait du troc? Oui, 06 pas. 50 87 00, c'est pas du troc, alors qu'est-ce que ça peut être? Réfléchissez bien. Est-ce que ça serait un ticket? Toujours 06 72 94 51. Guillaume et le mot 612. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ceux de puce sont tout petits. À cheval, on en fait d'obstacles. Les périlleux se font en gym. Il faut être dans un avion pour en faire un en parachute. Cinquième phrase, qu'est-ce que c'est? Cinquième phrase, qu'est-ce que c'est? Cinquième phrase, qu'est-ce que c'est? Cinquième phrase. Qu'est-ce que c'est? Ça a duré longtemps. Pour en faire il faut être bien accroché. Allez, pardon, je te laisse, mon pote, excuse-moi. Pour en faire à l'élastique, il faut être bien accroché. Ah, il faut faire un ho. On cherche le mot ho. Qu'est-ce que c'est, Guillaume, et le mot que je fais en ho, qu'est-ce que c'est? Guillaume, un espace, ce mot. Ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone dedans. Au 6, 11, 12. Les gars, en 30 secondes, on le termine là. On le... Comme ça, après, on se parle de sexe et tout. Et on parle du plaisir anal. Des plaisirs anaux. C'est comme ça qu'on dit. Ceux de puce sont tout petits. Les hauts de puce. À cheval, on fait du haut d'obstacle. On en fait d'obstacles. Les périlleux se font en gym. Il faut être dans un avion pour en faire un en parachute. Pour en faire un à l'élastique, il faut être bien accroché. Sixième et dernière phrase, qui suis-je? Si on en fait de haies, c'est de l'athlétisme. Exactement. Je fais le haut de haies. Non mais c'est facile les mecs, franchement. Est-ce que ce serait la descente? Non. La chute? Toujours pas. Le crash? Réessaye. Traction? Absolument pas. L'arbuste? Non. Non, c'est pas ça. Non, qui suis-je? Est-ce que ça serait la... Non, pardon, c'est mal, mec, tu comprends plus rien. Et Non, non, c'est pour t'embêter, je rigole. Le pauvre. Ouais, je connais bien l'émission. Hein. Bah ouais, bah ouais. Non, parce que en fait, tu vois, le truc, c'est quand tu peux, tu vois, tu doutes pas, mais moi, direct, ça, premier abord, ça sent pas. Tu vois, Adrien, quoi. Adrien? Oui? Non, je te disais, quand t'arrives comme ça, regarde, sauce comme ça. T'as l'impression que c'est McDonald's. Pas du tout. Bah oui, c'est sûr. Au final. C'est sûr que j'entends rien quand tu parles comme ça. Prends une canette. 50 centimes. Tu bois la moitié. Si tu dis qu'il en reste 15, c'est que tu sais pas compter. Après, tant que tu réfléchis pas deux secondes, c'est qu'il y a plus de gaz. Sinon, vers la veille, le lendemain, on va te niquer. Tu vois, qui suis-je, Adrien? Question de mon poème. Bah, ça, j'en sais rien parce que je t'entends pas en fait. Ah, mais alors il faudrait que tu ouvres tes oreilles d'abord, Adrien. Ouais. Nous, on est ouais. La première radio de France, on a un bon son. Bah quand même. Si après. Ah oui, évidemment. Je ne comprends rien. C'est pour ça que tu te parles du casque de GM du standard. Ah, ah oui. Complètement inutile. Tu te trompes. Moi, quand je te dis ça, c'est que je me suis arrêté sur l'autoroute. Je mets les warnings. Mais j'ai plus de gasoil. Au bout d'un moment, j'ai plus de batterie. Ah ouais, mon gars. Après, je me retrouve. J'ai un moustachieux qui frappe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai senti mon sgang. J'ai fermé les yeux, voilà. Ah ouais, mais je fasse comment? Comment tu veux que je fasse, Adrien? Je lui ai demandé d'enlever ses lunettes. Et puis, j'ai reconnu, j'ai mis du standard. Ah, tu vois que tu comprends? Ah, allez, si ouais. On en fait des essais de l'athlétisme, Guillaume est la bonne réponse aussi. Sans doute, je vous fais les cadeaux juste après. Dans 30 secondes, on parle de. Et en vacances avec Feder et Jason Derulo grâce à la phrase énergie. C'est Jason Derulo. My radio, c'est énergie. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli énergie ou sur énergie.fr. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase énergie. La radio pour l'été, c'est énergie. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de partir voir Feder en Corse ou Jason Derulo à Marbella avec énergie. C'est tout nouveau. C'est à tout moment de la journée. C'est la phrase énergie. En découvrant un tombeau mystérieux, ils ont réveillé des forces terrifiantes. Je vous présente la princesse Amanette. Elle vient réclamer ce qu'on lui a refusé. La momie, Tom Cruise. Il cherchait un trésor. Il a déclenché la tempête. Vous avez été choisi. Par quoi? Le mal suprême. La momie, le 14 juin au cinéma, avec énergie. Gagnez votre super séance énergie pour le film événement de cet été, Transformers The Last Night. C'est né comme une légende, la plus grande de toutes. Connectez-vous dès maintenant sur énergie.fr.

On va voir. Il avait lâché une énigme avant. On prend le gagnant tout de suite là. Je vous file des tablettes, je vous file des overboards, des montres Samsung Gear S2 et des PS4 Pro tout de suite. Guillaume est la réponse au 612. Ceux de puces sont tout petits. À cheval, on en fait d'obstacles. Les périlleux se font en gym. Il faut être dans un avion pour en faire un en parachute. Pour en faire un à l'élastique, il faut être bien accroché. Et si on en fait de haies, c'est de l'athlétisme. Qui suis-je? Voilà, Guillaume est le mot. Au 612, est-ce que ça serait, il y en a qui dit un baptême? Non. Est-ce que ça serait pas. Un harnais? Toujours pas. Un pont? Non. Un salto? Toujours pas. Non plus, qui suis-je? Est-ce que ça serait des poils? J'essaye. Non, c'est pas des poils. Guillaume, non, qui a la réponse au 612. On va s'envoyer Harry Styles, Gian Peretta et Luis Fonsi. On avait dit qu'on se l'écouterait avec Justin Bieber. On fait un petit coup de guitare. Despacito, 2 milliards de vues sur YouTube, on se l'écoute en entier. Et juste après, on prend le gagnant de l'énigme, je vous offre tout ça. Allez-y maintenant par texto en 2 secondes. Hein. Guillaume et la réponse au 612, je vous file ça. On parle de sexe, on fait le couille ou pas couille. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no es manuscrito. This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Radio 2.0 avec Guillaume Play. De 22h à minuit sur Énergie. Allez, et la réponse de l'énigme vient d'arriver, je crois, Adrien. Est-ce que c'est la télé qui vient d'arriver? Eh ben non. Ouais. Ceux de puces sont tout petits au cheval, on en fait d'obstacles. Les périlleux sont en gym, les sauts, il y en a un qui dit. Couille ou pas couille, on appelle le gagnant d'abord. On va taper saut et on appuie sur le bouton pour filer les cadeaux. C'est parti. Par contre, faut que ça réponde. Ouais. On va retrouver Katoun dans 30 secondes qui est en train de faire sa bouffe. Katoun qui fait sa bouffe. Et d'abord, on offre un cadeau en numéro caché. Ça a sonné chez vous. Allô? Allô? Oui, ça va? C'est quoi? Est-ce qu'il y a ça va et quel toi? Moment tu t'indiques ça? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Non, je disais. Parce que. Comment quoi? Comment c'est voilà. C'est un truc. Tu le fais exprès, Jean-Pierre. Ouais. C'est quoi ton prénom? C'est Nina. Ouais, ça va, Nina? De quelle ville, Ninouche? Ça va et toi? De Julie, dans ouais, 91. Oh là là. D'accord, ok. 91, c'est dans quel... Les Yvelines, c'est pas 91, ma chérie, d'amour. C'est les 78. Ouais. Si. Non. C'est dans le 91. Les Sannes, oui. C'est les Sannes. Attends, j'ai pas. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Jim Sandard. Quoi qu'elle a dit les Ulysses. Oui, oui, c'est ah, ça. Ah, j'ai compris, ok. J'ai compris les Sannes. Ouais, bah, les Ulysses, c'est 9-1 aussi. Hein. Ah, ouais. Ouais. Ça change rien. Ouais. Ouais. Il a pas dit les Yvelines, il a dit les Ulysses. Voilà, c'est ça. En fait, on n'a pas compris dès le début, j'ai okay, dire. Et lui, il a pas compris l'explication. Ah, ouais. Ah, ça tombe pas, ça tombe pas vite. Eh, hey, en tout cas, tu m'as dit, c'est Nina ton prénom, c'est ça, Ninouche. C'est Lina. Ouais. Lina. Ah, Lina, ok. Oui. Lina, ok. Vas-y, bah, enchantée. T'as quel âge, toi, Lina, là? J'ai 22 ans. 22 boules. Ça fait quoi dans la vie, Ninouche? Je suis en design de mode. Ah, c'est vrai, ah. Putain, c'est bon ça. D'accord, ok. Et design ouais. De mode, c'est-à-dire, tu fais une école de design de mode. T'es bien habillée, là, ouais. Ouais. Ouais, je fais des vêtements. Ouais, c'est voilà. Trop bien, trop bien. Tu travailles chez qui? Ouais, c'est cool. Pour l'instant, je travaille chez personne. Ah oui, t'es à l'école. Mais ah, t'apprends, quoi. Ouais. Mais t'as pas un. Comment stage, ça s'appelle? Un stage. Ouais, non, un alternance, un truc comme ça. Ouais. Non, non, du tout. Là, je viens de finir, du coup, mon BTS. Ouais. Après, je vais voir ce que je vais faire l'année prochaine. D'accord, ok, très bien. Très voilà. Bien. Bah ouais, ouais, c'est bien. Ouais. Ça. Maintenant, faut trouver du taf, c'est le plus dur, quoi. Ouais, bah y en a, non? Non, je vais continuer l'école, du coup. Ouais. Après, ça dépend où je suis prise aussi. Ouais. Sabrina, t'as jamais été attirée par la mode? Si, mais en fait, quand j'étais plus petite, je voulais être styliste. Que pendant les soldes. C'est bientôt les soldes, en plus. Non, mais je voulais grave être styliste et j'avais fait un book avec plein de fringues et tout ça. Et en fait, je l'ai pas fait parce que ça coûtait trop cher l'école et j'ai abandonné. T'as pas fait parce que, ça, ah. Parce que t'étais comme toutes les meufs. Ouais. À 8 ans, vous avez envie de faire ça, les mecs pompiers. Non, mais fallait être trop travailleuse, Guillaume. Je préfère aller me bourrer la gueule au Macumba à Bordeaux. Je me suis démonté avec un paquet de Marlboro entre les seins, Guillaume. La styliste. Et là, la styliste, elle n'existe plus. Elle est partie. La styliste, elle s'est envolée, Guillaume. Elle est partie évaporer dans les toilettes, Guillaume. Mais je te fais enculer, Guillaume. Oh là là. Je voudrais en parler, Guillaume. Non. Laisse-moi m'exprimer. On est en 2017, Guillaume. J'étais à l'époque une grande dame de Bordeaux. J'avais 22 ans, Guillaume. Une miss. C'était il y a 4 ans, Guillaume. On est arrivé sur le podium du Mega Macumba. J'ai baissé mon slip. Oh. Oh non, j'imagine. J'ai montré mon cul à la DJ, Guillaume. Il m'a fait monter dans la cabine, Guillaume. J'ai pris des ventouses bleues pour enlever la cellule d'avant. On m'a appelé dalmatien pendant 5 ans. J'ai des taches partout, mon Guillaume. Voilà. Je te raconterai la suite plus tard. Voilà, et donc, Linouche, quelle origine, Lina? Franco-cambodgienne, ah. Énorme. Ouais. Ah ouais. Phnom Penh. Ouais, c'est ça, tu connais. Bah ouais, je suis déjà allé à Phnom Penh. Bien sûr. Non. Si, je te jure, j'ai fait le Angkor Wat et tout, bien sûr, j'ai fait les temples d'Angkor et tout. En Asie. C'est trop bien. Je te jure, ouais, c'était le pire voyage de ma vie, putain. Ouais, bah en fait, je suis parti avec 10 euros par jour, quoi. Et voilà. Pour chaud. Dormir. Mais vraiment, j'étais en tanné et tout. Et bah, du coup, bah, t'as les hôtels au Cambodge. C'est pris dans un hôtel, mais sans la clim, sans rien. Sauf qu'en fait, il fait 45 degrés. Il y a des moustiques, mon gars. Il y a une porte quand même dans la chambre. J'ai attrapé une sorte de paludisme là-bas. C'était sévère et tout. Mais après, c'était beau. Hein, sinon, encore et tout, c'est beau. T'as la plage. Il y avait combien de temps aussi? Il y a 10 ans, 12 ans. Ouais. Ah, ouais. Ah ouais, voilà. Ouais. En plus, c'est il y avait juste la guerre et tout. Parce qu'il y a un dictateur qui s'appelait Pol Pot. Je suis allé juste après, mon gars. Ah, il y avait des camps de concentration et c'était les lycées français là-bas qui étaient transformés en camps de concentration dans la Phnom Penh. Ils s'appelaient les S21 et en fait il y avait encore du sang sur les murs et tout. Moi je suis allé, c'est assez violent. Ouais, je te jure, ça m'a un peu choqué le Cambodge, mais j'ai trouvé ça très beau, mais assez C'est un gros voyage là. Bah c'est ouais, bah, je suis parti en sac à dos et tout avec des potes à l'arrache, quoi. Ouais, road trip. Ouais, mais toi tu y es déjà allé ou pas? Bah je suis née là-bas en fait. Ah, c'est vrai? J'ai où ça? Je suis là-bas, ouais, bah Phnom Penh. Ah, c'est putain, attends, t'es née il y a 21 ans? De quoi? Non, 22 ans. Ah, oui. Ouais, donc t'es né il y a 22 ans. Pendant la guerre. Vu que t'as 22 ans, si je mets quelques années, t'es né aux alentours d'il y a 22 ans. Ouais. Mais attends, mais t'es né en plein milieu de la guerre? Non, je pense pas. Hein. Juste avant. Ah ouais, d'accord. Après la guerre, du coup. Non, ouais. Non, non. Bah non. Bah, elle aurait su qu'il y avait la guerre. Ah non. Mais là, t'entends les bombes et tout. Ah non, mais pas bien. Bah, bien après. Mais non, parce que c'était en 98 la guerre avec Pol Pot. Ma chérie était non. Là, c'était il y a 19 ans la guerre. Ah bah c'est certain parce que c'était pendant la Coupe du Monde 98, ça m'avait marqué. Ouais. Ah ouais, je savais pas. Et parce que j'ai visité. C'est ça. Oui, il est mort le 15 avril 98. Pol Pot. Ouais. Ouais, voilà. Voilà, t'as vu. Eh, je suis quand même. Grave. Historien. Ma mère, en fait, elle a vécu pendant la guerre et elle était encore gamine, en fait. Du coup, c'est pour ça. Non, mais après, ça a duré longtemps aussi. Hein. C'était avant après, la guerre. Régime et c'est, ils étaient 6 millions, ils ont tué la moitié de leur population eux-mêmes. Pourquoi ? Et en fait, bah, c'est, en fait, il y avait un régime qui s'appelait les Khmers Rouges. Ouais. Et Pol Pot, c'était le chef, genre, c'était un peu une sale race, genre, le gars. Un dictateur. Et en fait, c'était le pouvoir des paysans, quoi. Ben bah non, en fait, le problème, c'est que, ouais, mais en fait, il a mitonné. Ouais, mais c'est. Attends, tu vas quand même pas dire que c'est bien, excuse-moi. Ah, c'était un méchant, non, quoi. Non, mais il a dit il faut tuer tous les mecs qui ont des cheveux un peu longs. Tous les mecs qui portent des lunettes, c'est des intellos, faut les tuer. Et en fait, c'était dans les campagnes. Et il tuait tous les mecs qui étaient allés à l'école. Il tuait tous les gens un peu cultivés pour que le peuple soit bête et qu'il puisse pas se retourner contre lui. Et pourquoi les cheveux longs? On s'en fout des cheveux longs. Parce qu'il disait que c'était les gens cultivés qui avaient les cheveux un peu plus longs, qui avaient des coupes de cheveux. Et si les littéraires et tout, ils ont les cheveux plus longs quand même. Bah ouais, bon. Dans toutes les dictatures. Et en fait, les mecs, ils tuaient, mais genre, c'est abusé, tu sais lire, ils te tuent. Et en fait, du coup, ils s'est retrouvé. Tout le monde, alors, tout le monde sait lire. Bah non, parce que les mecs dans la campagne au Cambodge, ils savaient pas lire. Et donc, il s'est retrouvé avec des mecs qui, du coup, ils savaient pas lire, pas écrire, machin, et il était sûr que personne lui prenne le pouvoir. Bah ouais, il est plus faible, en fait. En fait, il essaie d'abrutir le peuple. Ah ouais, tu peux pas te révolter, du coup. Une sorte de. Bah mais c'est super triste, hein. Et donc, ça s'appelle. Et donc, le Cambodge, c'était en 98, Pol Pot et tout. Et le camp de concentration, il était encore actif pendant notre Coupe du Monde en France. Ah, c'était il y a pas longtemps. Ah, c'est pas vieux, hein. Et moi, je suis allé en 2005. Je suis allé 7 ans après seulement, donc ça va, c'était fini. Bah, t'as du sang sur les murs encore. Ah, ils ont pas nettoyé, genre. Bah non. Oh. Ouais, en fait, en musée, ils ont gardé le truc et tout, quoi. Parce qu'il y a un musée, en fait, c'était juste à côté de chez moi. Genre, tu voyais encore les traces descendre dans le sol, tout. Genre, c'était. Bah, t'as encore les potences et tout pour prendre les gens, quoi. Ah, c'est glauque. Ouais, et en fait. C'est flippant, quoi. Ah ouais, et en fait, t'arrives devant la prison et tout, et t'as des mecs qui sont genre brûlés. Tu sais, de la guerre par les mecs qui ont été brûlés vifs et tout, ils viennent te voir, ils ont un œil qui sort et tout. Oh. Et moi, c'est les mecs, ça m'a traumatisé parce qu'ils viennent faire la manche, les pauvres. Et en fait, ils ont été coupés en deux et tout ça. Et là, ils viennent te voir et tout. Et en plus, et c'est les pires trucs, hein, je vais pas vous expliquer, mais c'était comme au Moyen-Âge. Genre, ils ont réinstallé la torture. Il y avait des. Genre, ils accrochaient les mecs avec les jambes et les pieds, ils les suspendaient pendant deux jours et tout. La torture. Mais en fait, ils suspendaient avec les mains par les jambes, en fait. Donc, t'étais comme un con. Et ils te tiraient avec des pieds. C'est, franchement horrible. Et ça m'a vraiment complètement. Et ça m'a rendu malade. C'est-à-dire que j'ai attrapé un virus comme par hasard juste après. Et genre, j'ai passé. Je croyais que j'allais crever et tout. J'ai une montée de fièvre et tout. J'ai appelé le rapatriement international et tout. Ouais, c'est psychologique après. Non, mais, franchement, mais par contre, c'est très très beau. Même la bouffe, elle est bonne là-bas. Genre, la plage et tout, tu vois. Mais, ouais, bah oui. Mais le problème, c'est que moi, je suis allé un peu après la guerre et tout. Donc, c'était un peu sale, quoi. Donc, tu sais, c'était. Il y avait des. Tu retournes alors? Ouais. Bah, en fait, disons qu'il y a tellement de pays à faire. Maintenant que je l'ai vu, je vais essayer de faire autre chose et tout. Oui. Mais il paraît que au-dessus du Cambodge, t'as d'autres pays un peu en haut à droite. Il y a le Laos qui paraît qui est hyper beau. Oui, Laos. Il y a le Vietnam, tout ça. Moi, j'ai fait le Vietnam et la Thaïlande et tout. Mais c'est un truc de fou. Hein. Les pays, c'est magnifique. Bah, il y a le Tibet aussi, franchement, non ? En Asie. Et toi, tu y es jamais allé du coup, Lina ? Enfin, depuis que t'es née ? Enfin, depuis que t'es venue en France ? Si, si. Ah, t'y allais quand ? En vacances, il y avait 2 ans, il y avait 4 ans, et là, j'y retourne encore cet été. Ah ouais, putain, énorme. Pour le mariage de mon frère, du coup. Et t'es allée dans les temples Angkor Wat et tout, là ? Ouais, en fait, à chaque fois que j'y vais, c'est un passage obligé. Ah ouais, en fait, ça fait partie des 7 merveilles du monde, c'est un truc de fou. C'est une cité antique, on sait pas d'où elle sort dans la jungle. Et genre, il y a les têtes et tout, énorme. Et toi, tu prends du plaisir, Anal ? C'est le mec qui passe d'un truc à l'autre. C'est pour rire, il a dit oui. C'est pour rigoler. On parle d'un coup du Cambodge, du mariage de ton frère. Et sinon, il demande plus, ça te dérange. Putain. Moi, j'aime bien ce sacré sucré salé. C'est un choc là. Non mais je rigole Linouche. Elle a pas répondu. Je rigole. Non mais en tout cas, vive le Cambodge et comment on dit bonjour en cambodgien? Ça dépend, tu veux le dire poliment ou version salut ou. Bah dis les deux pour voir. Kamepso. Ah ouais, j'ai entendu ça. C'est façon polie en quelque sorte. Ouais. Et puis sauce day. Ça veut dire salut. Ah ouais, ok. Sauce day. Ouais, sauce day. Mais sauce day. Sauce day, Sunday. Sauce day, Sunday. C'est de l'anglais. Sauce day, Sunday. Tu penses à sauce day. Ouais, sauce day, quoi. Sauce day. Et comment on dit merci en cambodgien ? Ankon. En cône. En cône. Comme la chanteuse en cône. Ouais, très bien. Vas-y, c'est gentil. Eh ben, Linouche, on va faire tourner la roue des cadeaux et on va voir ce que tu gagnes. D'accord, ma chérie. Qu'est-ce que t'aimerais le plus ? Flo des cadeaux, redis-lui ce qu'on a à offrir, s'il te plaît. Alors, on a, si tu veux, des PS4 Pro, il y a des montres connectées, des Samsung, des overboards ou des tablettes Samsung. Ouais, il y a plein de trucs qui a filé, quoi. Il n'y a pas une GoPro. Mais toi, t'es casse-pouille. Oh là là. C'est déjà pas mal, oh. Avec la tablette, au pire. Bah, exactement. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, il a raison. Non, mais t'as raison de demander une GoPro. Tu préfères une GoPro ? Ouais, pour finir le voyage. Eh bah, ben, il n'y en a pas. La tablette est fine. On va faire tourner la roue des cadeaux. Flo, les cadeaux, c'est bien. Allez, 3, 2, 1, vas-y. Voilà, très bien, merci beaucoup. Et ça s'arrête sur. Une montre Samsung Gear S2. Bon bah, au moins tu seras à l'heure pendant le voyage. Oh là là. Il l'a fait. Oh la gêne. Aïe aïe aïe. Elle est partie. Oh là là. Oh là là. Maintenant tu te moques de moi en plus. Non, non. Attends, en tout cas, je t'envoie ça demain matin. Et puis. Ok, merci. Non, tu préfères une tablette ? Tu préfères une tablette Samsung ? Ouais, je préfère largement. Ouais, c'est vrai. Alors on dit s'il te plaît, et puis on la gagne. Eh bah, c'est gagné. C'est gagné. C'est quand même magnifique. On change. Je vais t'envoyer la tablette. Moi, je m'en branle, j'ai tout alors. Bah oui. Non mais là il y a le choix. Merci. On est lundi donc il y a le choix. Flo des cadeaux, il a fait les courses ce matin, donc quand il n'y a plus le choix, on a plus de budget à la fin de la semaine. Comme par hasard, il n'y a pas la GoPro. Elle lâche pas. Il hein. Y en a eu plein. On change. Ouais, putain, c'est là, décider de me casser une coupe. On te propose de tout et t'es pas content. Déjà que j'ai pas aimé. S'il te plaît, Guillaume. J'ai pas aimé son pays. Bon. C'est quoi, je t'entends pas là ? Je m'en pays de con. Non, je rigole, je t'embête, j'embrasse, hein, c'est pour rigoler. Évidemment. Ouais. Je t'embrasse, ma chérie. Félicitations, je t'envoie le cadeau que tu Merci veux. Beaucoup. Le principal, c'est ça. Et j'ai envie de te dire, la tablette Samsung, la nouvelle là qu'on t'offre, tu la revends, tu t'achètes une GoPro et demi. Oui. Okay. Voilà, donc okay, tu te bouges la nuit, tu la mets sur coin-coin, c'est le bon coin-coin soir, et puis dans deux semaines, tu l'as vendue. Okay, ouais, ok. Allez, merci. Gros bisous. Félicitations et merci mille merci fois. À vous. Merci d'avoir joué, surtout, ça fait trop plaisir. Hein. Merci à vous tous de jouer. Non, mais j'essaye, je tente, à chaque fois, je suis. Oh non. Non, mais on se connaît pas, t'as vu que ça fonctionne au final. Ouais, ça fonctionne. Voilà. Ouais, du coup, c'est cool. Eh ben, félicitations. Je te fais un gros bisou, Linouche. Merci. Bisous, bravo. À vous aussi. Bisous. Bisous. Bye. On va jouer aux couilles ou pas couilles maintenant. Et Adrien, juste 10 secondes avant, tu veux faire une dédicace de Boulogne qui a lâché l'énigme. Ouais, t'inquiète. Je fais une dédicace à mes parents. Ouais. Il y a Martin qui doit m'écouter. N'est-ce un pas poteau que je viens de prévenir. Ouais, très bien. Le poteau. Ah, bah, tu vois qu'il y a un sauce quand même qui écoute. Bah, voilà. Enfin. Je l'ai réveillé comme un salopard, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est clair, mais attends, mais mec, quand on a compris qu'il faut pas avoir de respect pour ses copains à l'école. Vraiment, moi je te jure, le jour où j'ai compris ça, mon gars, mais j'ai marché sur tout le monde et tout. Non, je rigole, tu sais, le gros fils de pute et tout. Non, c'est pour rire. Ah, comment il s'appelle ton pote qui écoute là ? Martin. Eh ben salut Martin, salut Martine. Salut Bigop. Vas-y, eh ben, bisous Martin. Bon courage à toi et je te repasse. Ah non, tu joues avec nous aux couilles ou pas couilles ? Bah oui. Ok, très bien. Bon alors vas-y. Ce qu'on va faire, on va raconter une histoire. JM du Standard va raconter son histoire. Ouais. Sabrina aussi. Ouais. Julien Stagiaire. Ouais, je suis prêt. Et Flo des cadeaux. Ouais. Ils ont chacun une histoire en rapport avec les soirées. Ok ? Le but du jeu, c'est vraiment de trouver si c'est vrai ou si c'est faux. L'histoire, on ne sait pas si ça lui est vraiment arrivé. C'est un jeu de profiler, comme un flic qui doit écouter une histoire de meurtre, ouais. Comme un juge. Vous êtes juge. Ah, c'est ça en fait. Il faut savoir si le mec ment ou si le mec a rien fait. C'est dur. Hein. Le mec est-il coupable ? Le mec est-il pas coupable ? On peut se tromper aussi. Le mec n'a pas de vocabulaire. On lui dit le mec est innocent, le mec n'est pas coupable. Il faut trouver la réponse. Guillaume. Et vous me dites vrai ou faux, on va essayer de deviner ensemble. Vous jouez chez vous, vous comptabiliserez vos points pour vous, à voir qui est le meilleur. Il y a Shams qui joue avec nous, Katoun de Marseille, Katoun qui est en train de faire des pâtes, on l'entend, Mathieu de Lille aussi. Ouais, et Linouche, là, la gagnante. Ouais. Bah, Linouche, tu restes avec nous deux secondes. Attention, première histoire en rapport avec une soirée. Sabrina, la nouvelle, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire de soirée ? C'est parti. Ouais, carrément. Alors en fait, en février, je suis partie voir Danse avec Esther parce que je kiffe trop l'émission. C'était à Bordeaux, à la patinoire. Et en fait, tournée, hein, pas l'émission de télé. Ouais, c'est ça. Ouais, la tournée aussi. Ouais, ouais, tout à fait. C'était la tournée qui était à Bordeaux. Et donc, j'y suis allée avec ma meilleure pote et on s'est retrouvés assises à côté de Philippe Candelero, qui en fait était venu en fait, parce qu'il habite pas très très loin en fait, de Bordeaux. Il habite à Blanquefort. Donc, du coup, on a sympathisé avec lui pendant toute la soirée. Et à un moment donné, il est parti faire une petite danse parce qu'il avait gagné la saison d'avant, enfin, un truc comme ça. Donc, il est parti danser avec la meuf avec qui il dansait habituellement pendant la saison.

Chercher l'âme sœur, faire fortune, trouver le bonheur. Un conseil ? Flou au 7-20-12. Ne t'inquiète plus, tout ira bien. Envoie Flou au 7-20-12. Nos experts seront là pour lever le voile sur ce qui te tracasse. Plus de poids sur le cœur, plus de peur. Flou, F-L-O-U, au 7-20-12. Tu connaîtras enfin le soulagement d'avoir les réponses à tes questions. Envoie Flou au 7-20-12. Prends ton destin en main. Flou au 7-20-12. 65 centimes plus prix du SMS et énergie. La seule émission faite par vous et pour vous. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, on se fait tied up et juste après histoire. Flo des cadeaux. Ouais. Prépare-toi, je suis prêt. Tu vas nous raconter. Bah alors, tu sais quoi, on la mettra après. Il y a Mathieu qui est avec nous, il y a Shams qui est là, il y a Adrien aussi. Ouais. On essaye de trouver si c'est vrai ou si c'est faux. Concentrez-vous chez vous et au standard. Putain, c'est pas du vrai direct, ça fait longtemps que je me fais avoir, je l'ai découvert. Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Je te dis qu'on est en direct, j'ai dit depuis le début, il est 23h54. Et il est 23h54. Je vous jure que c'est du direct. Ah, bien sûr. Bah oui. Merci. On n'est jamais en enregistré, nous les frérots, là, de quoi c'est couille là. Qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui, t'as dit, Floricano là? Bah, il y a eu l'annonce de la nouvelle Xbox et puis il y a l'acteur du tout premier Batman qui est décédé. Ah ouais. Franchement, on aurait été bon pour le deviner à l'avance. On aurait été bon, franchement, attends, quand tu penses à ça. Attends, pour qu'est-ce qu'il y avait d'autre tout à l'heure, on avait dit la sortie d'un jeu. Il y a il y a eu un séisme. Pierre Palmade qui a dit des trucs sur M. Pokora pour les enfoirés. Ouais. Si on avait su ça à l'avance, quand même, les mecs, on aurait été des génies. On est des voyants. Alors, on y va, Flo des cadeaux. Ouais. Une histoire en rapport avec les soirées. Celui qui s'occupe des cadeaux de l'émission, qui s'appelle Flo des cadeaux. Oui. Il faut juste deviner si c'est vrai ou si c'est faux. On fait un jeu comme si on était profiler, comme si on était enquêteur. Dit-il la vérité ou un gros mytho? On t'écoute. Alors moi, c'était pour la soirée de départ en fait d'un de mes potes qui partait bosser à La Réunion. Donc il avait fait une énorme soirée juste avant de partir. Et pendant la soirée, en fait, il y a trois filles qui sont arrivées en plein milieu. C'était les filles les plus ouf que j'ai jamais vues de ma vie. J'ai jamais vu des meufs être aussi tarées. Et pendant la soirée, en fait, elles nous ont emmenés dans leur délire. Et à un moment, en fait, elles ont commencé à faire un striptease en plein milieu du salon. Elles ont pris un mec, elles l'ont foutu sur une chaise, elles le connaissaient pas. Elles ont commencé à se dessaper, elles ont commencé à lui faire un striptease sur la chaise. Après, la soirée est passée et elles ont pris trois mecs n'importe, enfin au hasard en fait, dans mes potes, et elles sont allées coucher avec elles dans des tentes qu'on avait mis dans le jardin. Et le lendemain, elles se sont barrées et je les ai plus jamais revues. Mais c'est les meufs les plus ouf. Elles sont passées dans la soirée, elles nous ont retournées, elles se sont barrées. Adrien de Boulogne-Billancourt. Franchement, je pense que c'est pas une couille. Pourquoi? Je sais pas. Je pense que c'est pas une couille. Merci pour tes arguments. Merci beaucoup, merci beaucoup. Shams. Tiens, bah, si c'est vrai, j'ai envie de faire des soirées avec toi, mais clairement, j'ai envie d'y croire. C'est vrai. Flo des cadeaux. Ouais. Tu dirais que c'est vrai aussi, Mathieu de Lille. Moi, avec tous les arguments qu'il a dit, c'était trop fille qui voulait s'amuser, moi. Ouais, je dirais que c'est vrai quand même. Ça m'est déjà arrivé. Toi, tu dirais que c'est vrai. Aude, la nouvelle stagiaire. Moi, je dirais couille. Pourquoi? Je sais pas, il racontait ça bizarrement. Il y avait des blancs entre ses phrases. Enfin, je sais pas, il était pas naturel en fait. Je suis d'accord, il est pas fluide. Il était, ouais, je sais pas. Ah, mais alors là, je suis d'accord. Sabrina? Ouais, à un moment, t'as bugué et après, je trouve que t'en as trop rajouté en fait. Genre, après, elles ont pris des mecs au hasard, elles sont parties. Enfin, je sais pas, ça me semble énorme quoi. Genre, les meufs, c'était des déesses venues de nulle part. Non, mais ça, c'est possible. Je sais pas, je trouve ça énorme. Ouais, non mais c'est gros. Ouais, c'était des furies. Regarde-le, c'est pas mal. Franchement, il a rien trouvé d'autre quoi. Il s'est foutu de notre gueule, il a chopé ça comme ça, il a peut-être rêvé le truc, mais franchement non, c'est bidon. Il était pas convaincant le mec. Bah, je dirais faux aussi, Flo des cadeaux, et la réponse est. Eh bah c'est vrai. Comment t'as niqué tout le monde? Je veux faire des soirées avec toi, moi. Ah, mais avec plaisir. Mais c'est vrai, ça? Non, c'est vrai. C'était, il était dans une école d'infirmière, donc il y avait beaucoup de meufs évidemment, et ces trois-là c'était les plus ouf de la promo. Elles sont arrivées, elles ont retourné la soirée. Ah, sérieux? Ouais, c'est vraiment. Chaud. Hashtag Guillaume Radio, hein, si vous voulez commenter l'émission, vous pouvez y aller. Hein, hashtag Guillaume Radio toute la soirée. Mathieu, tu t'es fait niquer. Shams et Adrien aussi, hein, les gars. Ah non, content. Shams et Adrien, ils ont dit vrai. Bravo, les gars. Bah, oui. Bien joué, les gars. Bien sûr. Ouais, j'ai dit vrai. Attends, toi aussi, Mathieu, pardon. C'est le rêve de tout le monde. Mais attends, mais c'est vrai. Ça nous est arrivé. Ouais, elles ont pris un mec, elles l'ont mis sur une chaise. Et elles lui ont fait un striptease comme eh ça. Eh ben très bien. C'est au tour pour terminer de Aude, la nouvelle stagiaire, t'as préparé un truc ou pas? Ouais, ouais, j'en ai une. Alors attention, notre nouvelle stagiaire, elle va peut-être être plus facile à niquer. Non, mais vous avez compris. À trouver si c'est vrai ou faux. Attention, il y a pour l'instant une couille de la part de Sabrina. Ouais. La première histoire. Avec Philippe Candeloro, nanana. Bon, finalement, c'était une couille, on l'a senti depuis la première phrase. Flo des cadeaux, il nous a niqué. Ah ouais, je suis content. Et maintenant, c'est le tour de Aude. Vrai ou faux, on t'écoute, Aude. Ok, alors moi, c'était une soirée, c'était à Versailles, j'étais avec des potes. Et ils ont voulu aller dans une maison abandonnée, donc faire de l'urbex. Et donc, je suis allée avec eux et tout. On s'est posé dans une maison abandonnée, du coup. Et au bout d'un moment, j'avais envie d'aller aux toilettes. Donc, je suis sortie dehors pour aller pisser, quoi. Et quand je suis revenue, donc 3 minutes après à peu près, en fait, il n'y avait plus personne. Et je voyais en fait des sortes de lampes torches dans le noir, parce qu'il était minuit à peu près. Et je monte les escaliers, et là, je vois qu'il y a les keufs qui étaient... Il y a les keufs mais... Il y avait les keufs. Il y avait des ombres. À l'ancienne, le mot les keufs. Il y avait les keufs. Odin. Alors, il y avait les keufs. Odin. Et en fait, ils avaient encerclé mes potes. Et moi je suis remontée, ils ont mis la lampe torche en plein sur mon visage. Ouais, vous êtes qui, nanana. Moi je disais bah je suis avec eux. Donc en fait ils ont fait un contrôle d'identité, sauf que moi j'avais pas mes papiers. Donc ils m'ont embarqué. Vas-y, va droit au but. Bah ils m'ont embarqué en gros. Ils m'ont emmené jusqu'au commissariat. Et je suis repartie seulement le lendemain matin vers 8h pour que mes parents me ramènent mes cartes d'identité.